Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de la grande revue de presse Les Dissidents. Qu'est-ce que Les Dissidents? C'est une petite alternative que nous vous proposons en mettant notre cher ami Bruno Roca à la porte et en prenant sa place afin d'animer une émission qui soit proche de l'univers geek habituel mais qui ne parle pas de jeux vidéo. Pour ce soir, on va changer un petit peu d'habitude. Ces dernières émissions, on nous a surtout parlé de jeux de société. Cette fois-ci, on va vous parler des mangas, et plus particulièrement des mangas papier, ceux qui ont une publication au Japon, surtout. Et on va pas du tout se focaliser sur les animés, ce sera peut-être le thème d'une autre émission. Ce soir, je suis accompagné de Natacha. Salut à tous. De Lina Nounette. Bonsoir. Ainsi que Mopral. Salut. Bonsoir tout le monde. Tout le monde connaît un petit peu l'univers des mangas, ça fait partie de notre paysage culturel depuis de nombreuses années, notamment les années 90, fin 80, début 90. Nous avons tous à peu près le même âge, on se rappelle tous du Club Dorothée qui a ramené ça dans ses valises. Et la France est devenue l'un des pays les plus consommateurs de mangas au monde, grâce notamment à des sagas comme Dragon Ball, comme One Piece, comme Bleach, Naruto, etc., etc. Mais ce soir, on va décider de vous parler d'autres mangas, ceux qui nous plaisent, ceux que vous conseille, le premier manga qu'on a découvert, certains qui sont très très connus et d'autres qu'on espère vous fera découvrir de nouvelles choses. Je vais commencer par laisser la parole à Natacha pour lui demander quel premier manga a-t-elle lu et quel est donc quel est le manga qui lui a mis le pied à l'étrier, si j'ose dire. Alors en fait, moi à la base, c'est surtout en fait un magazine, c'était un Anime Land que ma mère m'a acheté parce qu'elle avait vu Cobra et Albator sur la couverture. Alors c'en est un qui date de 96 je crois, il me semble que ça doit être à peu près cette année-là. Et j'ai découvert en fait que toutes les séries que je regardais au Club Dorothée étaient des mangas, je n'avais jamais entendu parler du... Enfin, je n'avais jamais entendu le terme à l'époque, et c'est là que j'ai découvert les mangas. Et le premier manga sur lequel je me suis vraiment arrêtée et qui a lancé vraiment la passion, c'était RGVDA, du groupe Clamp, qui est un groupe de 4 dessinatrices et ultra talentueuses, je trouve, parce que j'ai toujours adoré leurs dessins hyper fouillés, enfin, c'était vraiment visuellement magnifique. Et je trouve que l'histoire en elle-même, justement, était et pas... C'était loin des standards de l'époque, en fait. C'est justement très ambigu. Il y a une histoire de mythologie. Donc, moi, la mythologie, c'est tout à fait mon domaine. Voilà. Et ça m'a attiré, ça m'a happé. Et le fait de ces personnages, en fait, qui essayent de contrer le destin, mais où, en fait, arrivent à faire exactement le contraire et le destin, en fait, les rattrape. Enfin, j'ai toujours trouvé ça absolument génial. Et c'est un de mes mangas préférés. C'est le premier. Merci beaucoup. Alors, c'est une série qui est relativement courte. Elle est sortie en 10 tomes, début 90 jusqu'à 95. Tu parlais de mythologie. C'est quel type de mythologie qui est abordée? Alors, dans RGVEDA, en fait, les Rig Veda, à la base, c'est les textes sacrés hindouistes. Et là, c'est la mythologie hindouiste, en fait, qui est représentée dans ce manga. Mais Clamp a toujours été très, très forte en mythologie. C'est un groupe qui s'y connaît énormément, que ce soit bien en christianisme, en kabbale. Enfin, elle mélange plein d'influences et c'est très très intéressant de les lire parce qu'en fait, tout ce qu'elles disent est relativement véridique. Merci beaucoup. Moi, personnellement, Clamp, je connaissais surtout ça avec Sakura Capture Card, qui était je sais plus comment on dit, Magical Girl, où une jeune fille recherchait des cartes, les cartes de Clos, où il y avait une adaptation sur M6 avec une francisation, je sais pas si ça se dit, mais des prénoms, où tous les prénoms avaient des prénoms européens, c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque. RGVEDA, j'ai connu, mais j'étais moins fan de ça. Après, Clamp, je sais que ma fille, là, qui a maintenant 11 ans, a commencé à s'y mettre. Elle a essayé de voir ce qui sort et ce qui s'intéresse. Est-ce que vous, Lina Nounette et Mopral, vous connaissiez RGVEDA ou même l'univers Clamp? Moi, j'étais une grosse lectrice de Clamp. J'ai lu, le premier manga, l'un des premiers mangas qui m'a vraiment mis de pied à l'étrier, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était Tokyo Babylon, donc de Clamp également. C'est un groupe que j'ai énormément suivi. J'ai bien sûr lu RGVEDA, j'ai lu ensuite X, j'ai pas lu Cardcaptor Sakura. J'ai lu Crossolic, et puis là, depuis... ça fait un moment que j'ai pas lu de manga de Clamp. J'avais lu Clover aussi. Bon, voilà, ça. Après, je me suis un petit peu détachée. Et j'avoue que j'ai pas trop suivi. Je sais pas si elles ont sorti des choses récemment ou pas, parce que les titres que je connais sont relativement anciens. C'est vrai que je trouve que l'un des points forts... Enfin, l'histoire est souvent bien amenée et bien montée. Alors, ce que je disais, c'est que je suis... plus déçu généralement par les conclusions, mais et puis graphiquement c'est vraiment très très beau quoi. Alors par contre, on a beaucoup perdu à partir du moment où c'est Pumo Kona qui dessinait, à partir du moment où c'est Nekoi qui a repris, notamment dans tout ce qui était Angelic Layer et autres séries d'après, on a quand même beaucoup beaucoup perdu, mais les histoires restaient bien, même si j'ai beaucoup moins accroché. Alors, il y a une nouvelle série qui sort, parce que je sais que ma fille s'est acheté le tome 1. J'ai pas encore mis mon nez dedans, parce que je vois quand même un petit peu lire un petit peu du Clamp, mais je sais qu'il y a une série qui est en cours où le tome 1 vient de sortir il y a à peine un mois ou deux, là. Après, elles avaient un petit peu ce petit défaut, à mon sens, c'était de courir plusieurs lèvres à la fois et parfois de s'éparpiller un petit peu entre différents titres. Après, le souci, voilà, c'est par exemple pour un manga comme X qui monte en puissance jusqu'à un point culminant, on sait qu'on n'aura jamais la fin. Et ça, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est dommage, ça. Comme Lionel, t'as pris la parole concernant Clamp, est-ce que je peux te laisser continuer et nous expliquer quel est le premier manga qui t'a mis dans cette passion? Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était Tokyo Babylone, mais enfin en manga papier. Après, si tu veux, c'est tout est interconnecté avec entre les mangas et les animés, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des animés que je suis allée chercher en manga. Alors avec plus ou moins de réussite, hein, par exemple Kimagure Orange Road. À mon sens, le manga est beaucoup moins bon que l'animé, qui était vraiment très chouette. Max et compagnie. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais perdu le titre en français. Après, c'est vrai, enfin pour moi, la première œuvre majeure, mais que j'ai lue en manga beaucoup plus tard, c'était Maison Ikkoku, donc Juliette, je t'aime chez nous, qui était vendue un peu comme un animé un peu mièvre, etc. Bah, parce que forcément diffusé à des enfants, alors que on est plutôt sur un seinen en fait. Je trouve que c'est vraiment. Enfin, je pense que vraiment Rumiko Takahashi, c'est une des plus grandes mangaka de son temps. Et je trouve qu'elle a une façon, on n'est pas dans de la critique sociale, mais en tout cas de croquer l'univers qui l'entoure, qui est assez fascinant. Et moi, vraiment, cette œuvre, j'ai adoré. J'ai trouvé ça à la fois doux, dur. Enfin, je trouve qu'elle a beaucoup d'empathie pour ses personnages, tout en créant un univers assez humoristique. Enfin, vraiment, moi, ça a vraiment été une œuvre majeure. Et c'est clairement une des œuvres dans mes mangas préférés, une de celles que je relis de temps en temps, parce que je trouve que c'est vraiment hyper bien fait. Et en plus, c'est vieux, hein, parce que ça a été écrit entre 80 et 87. Et je trouve que sur certains aspects de la société japonaise, c'est encore bien d'actualité, notamment sur les relations interpersonnelles. Moi, alors je me permets sur Maison Ikkoku. Moi, je connaissais ça par Dorothée, le fameux Juliette, je t'aime. Et je trouvais ça, j'aimais bien moi comme série. Je trouvais ça marrant, je trouvais ça rigolo. Je trouvais ça. Après, je comprenais pas pourquoi les personnages étaient ivres en buvant de la limonade, parce qu'il y avait une censure à l'époque sur ces choses-là. On disait ouais, je vais prendre de la limonade. Et en fait, c'était de la bière. J'ai compris que plus tardivement, c'est de la bière. Après, moi, j'ai surtout apprécié Rumiko Takahashi pour son œuvre de Ranma 1/2, qui était folle. Tout ce qu'un garçon aimait, c'est-à-dire de la baston, et puis il y avait aussi la romance, et puis c'était chouette aussi. C'était, je crois que c'est aussi elle qui a écrit La Mue, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Ouais, donc je suis aussi là-dessus. Et Natasha Mopral, vous connaissez aussi Maison Ikkoku, ou Je t'aime, ou l'une des œuvres de Rumiko Takahashi? Pas du tout, moi, de mon côté. Je regardais pas tout ce qui était Club Dorothée ou la télé, enfin, pas en tout cas les chaînes de base de la 1 à la 6. Du coup, ça me dit quelque chose, effectivement. Ça a l'air d'être des grands souvenirs pour beaucoup, mais de mon côté, absolument pas. Et peut-être que le fait que je sois un peu plus jeune, ça doit pas aider, j'imagine, mais. Je pense que c'est un gros manque à ma culture, en tout cas au niveau manga, de pas connaître ça, quoi. Donc, je pense que je me rattraperai un jour, mais c'est vrai que là, ça me dit absolument rien comme ça. Alors moi, Rumiko Takahashi, je suis très Ranma 1/2, je suis très Inuyasha, mais alors par contre, Maison Ikkoku, je suis passée totalement à côté. C'est impressionnant, ça, j'ai jamais pu. Mais tu parles du manga ou de la série? Les deux, mon capitaine. D'accord. Mais t'aimes beaucoup Inuyasha. J'aime beaucoup Inuyasha, mais par contre, j'ai jamais... Enfin, après, moi, j'ai un truc un peu bizarre, c'est que pour moi, le manga, c'est on s'évade, c'est l'imaginaire. Un manga qui a tendance à se passer dans le monde, tu vois, par exemple, un truc comme Princesse Sarah ou tout ça va me gonfler. Mais totalement. Candy, ça va me gonfler. C'est le genre de truc, voilà, je peux pas. Voilà, c'est comme ça. Ok. Oui, effectivement, tu vois plutôt le manga comme quelque chose d'assez imaginaire, un peu comme pourrait voir les comic books pour les super-héros et pas des histoires plus simples. Ouais. Mopral, à ton tour. Alors, c'est quoi ton premier manga, le manga qui t'a mis un peu dans cet univers-là et que tu pourrais nous expliquer un peu? Techniquement, ce serait Yu-Gi-Oh! Quand je dis que j'ai vraiment commencé sur le tard, je rigole pas, hein, là-dessus. C'était Yu-Gi-Oh! Je sais plus, c'était à mon anniversaire quand j'avais 12-13 ans. Mes parents m'avaient offert des mangas qu'ils avaient trouvés au magasin du coin. C'était très rigolo parce que j'avais le tome 1, le 3 et le 6. Donc pour suivre l'histoire, c'était pas hyper pratique. Mais par contre, je recommande les premiers tomes de Yu-Gi-Oh! Parce que c'est vrai que l'image qu'on en a, c'est ce qu'on voit à la série, c'est-à-dire c'est le jeu de cartes avec les gros monstres et le truc à collectionner, et allez les enfants, sortez la carte bleue des parents. Mais il faut savoir que les 6 premiers mangas de Yu-Gi-Oh! C'est des trucs assez sombres, vraiment, où Yugi, enfin, le penchant de Yugi est vraiment un peu limite maléfique, il joue avec les gens, mais il est puni ensuite parce qu'ils ont fait le mal. Enfin, c'est hyper intéressant à lire les premiers mangas de Yu-Gi-Oh! Après, ça redevient le jeu de cartes, donc voilà, je le recommande pas forcément, mais. Mais en tout cas, je vous conseille au moins les 6 premiers tomes, mais je pense que le premier vrai manga qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, ce serait Death Note. Je pense que j'ai connu en même temps que l'anime, je me souviens plus l'heure de sortie, mais j'ai dû acheter les tomes en même temps que je regardais l'anime ou à peu de choses près. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a plongé dedans, c'est de Obata et de Oba. Donc là, je crois que c'est assez rare qu'il y ait un réalisateur et un dessinateur. En général, c'est le dessinateur qui fait en même temps le scénario, donc il jongle entre les deux. Là, c'est vraiment deux personnes distinctes. C'est quelque chose qui est devenu plus commun justement grâce à eux. Ils ont un peu révolutionné l'univers du manga. Et le fait de séparer un peu l'auteur du dessinateur, il y en a déjà eu avant, bien évidemment, mais c'est eux qui ont vraiment mis là-dessus. Et c'est eux qui ont un petit peu. Ils racontent un peu ça dans Bakuman, mais c'est un peu eux qui ont dit, voilà, on a une histoire complète qui tient sur 13 tomes, et à la fin des 13 tomes, on met fin à toute l'histoire. On parlait tout à l'heure justement des mangas qui traînaient un peu en trop longueur ou qui sont un peu trop longs. Moi j'ai beau aimer One Piece, moi je trouve que c'est trop long là, il y a trop de mangas. Et ben Oba et Obata avaient décidé de faire que. Alors je crois qu'il y a que 12 tomes et le 13e c'est un explicatif, How to Read Death Note, mais c'est un peu eux qui ont révolutionné le fait de dire voilà, nous on a une histoire à raconter sur tant de tomes, il y a tant de volets et c'est fini après, on veut plus continuer. C'est ça, et je pense que niveau après fatigue morale, enfin le fait de suivre le rythme, parce que je rappelle qu'au Japon, normalement, c'est faut publier un chapitre, donc une vingtaine de pages toutes les semaines. Donc en général, quand tu dois être dessinateur plus scénario, ça commence à se retentir. Là, le fait de diviser le travail plus ou moins en deux, ça a dû bien aider, je pense, et à faire du manga tel qu'il est, et qui a de grandes qualités pour moi, et que ça reste encore un plaisir pour moi de le relire. Alors même si je sais qu'en général, à peu près à mi-chemin. Il se passe un truc que je vais pas spoiler qui fait que, bon, il y a une scission entre les fans de Death Note. Voilà, je peux que être d'accord là-dessus, hein. Alors là-dessus, je confirme, ça perd après cet événement, ça perd énormément de son intérêt. Bah moi, je trouve que c'est bien aussi qu'il se soit permis de faire cet événement-là et de continuer, de pouvoir faire une continuité dans l'histoire. Et de, moi, je trouve que c'est un. Il fallait oser faire ça et ils ont osé le faire. Bah, je pense que c'est ce qui plaît aussi dans le manga et plus large l'anime, c'est vraiment cette surprise là où voilà, on s'y attend pas et il y a vraiment la surprise et. Et je conseille fortement de lire le manga parce que la version animée, cette deuxième partie est plus courte. Alors que dans le manga, il y a plus de séquences, plus d'explications, plus de. Il faut lire, il y a beaucoup de lectures hein, dans Death Note. Ouais, mais dans la partie 2, tu as Maximum the Hormone à l'opening, et rien que pour ça vaut le coup. Bref, du coup, enfin voilà, c'est vraiment Death Note, je pense, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, pardon, et qui m'a fait aimer les mangas, et qui m'a fait ensuite en acheter d'autres, parce que ça a été vraiment une expérience hyper intense, et le dessin, j'adore vraiment le trait de. Alors, je sais plus si c'est Oba ou Obata, la dessinatrice, désolé. Mais j'adore vraiment le trait, les personnages qui ont vraiment eu toute une personnalité, enfin le côté méchant de Light qui se reflète dans ses traits. Vraiment, je suis très grand fan de Death Note et je pense que sans aucun problème, je le placerai dans mon top 1. Ça, c'est clairement le meilleur pour moi. Et puis donner vraiment du dynamisme dans les traits, alors que c'est juste une enquête policière ou même une simple réflexion d'une partie de tennis entre un enquêteur et puis Yagami Light peut prendre des proportions hallucinantes, ça met vraiment dans l'histoire. Je me rends compte que depuis le début, on parle de manga, mais à aucun moment on donne un résumé de ces mangas. Donc si les gens nous écoutent, ils vont se dire, mais c'est bien, ils nous parlent de choses, on sait pas de quoi ça parle. Tu veux que je le fasse peut-être, ce sera peut-être plus simple. Ouais, voilà, explique-nous un petit peu c'est quoi Death Note. Bon, globalement, c'est l'histoire de Yagami Light, qui est on va dire, une sorte de surdoué dans son école. Son père est chef de la police, je crois. Et voilà, lui, c'est un grand partisan de la justice. Et il se trouve qu'un jour, il trouve un cahier qui s'appelle, enfin, c'est marqué dessus Death Note, dans lequel c'est indiqué, si vous mettez le nom d'une personne, elle meurt 40 secondes plus tard. Il y croit pas trop, il essaye, et il se rend compte que c'est un vrai cahier, qu'il a vraiment les pouvoirs de tuer des gens. Et il va s'en servir pour, on va dire, faire le bien en tuant des criminels, en tuant uniquement des criminels. Donc ceux qu'il a vus à la télé, etc., il va les tuer. Le problème, c'est que bah, tuer des criminels, ça reste quand même tuer des gens. Et du coup, il va se faire pourchasser par la police, de manière plus large un peu aussi par Interpol. Bref, il y a toute une histoire policière. Et bah, ça va être une lutte entre lui, d'un côté, qui est vraiment extrêmement intelligent, et d'autres partisans de l'autre côté qui vont essayer de le chasser pour l'arrêter, parce que même s'il tue des criminels, il tue quand même, donc ça reste quand même un criminel. Et ça va, comme tu disais, ça va vraiment être un ping-pong entre les deux, où ils vont se tendre des pièges, etc. Enfin, il va falloir vraiment réfléchir à plusieurs étages, sans qu'on soit perdu d'ailleurs. C'est fait de manière assez intelligente pour pas qu'on se dise ils sont trop intelligents pour moi je suis idiot. Non, ça reste quand même accessible. Je pense à un autre manga qui s'appelle Liar Game, où c'est des gens intelligents, mais là je me sens totalement perdu. Ici vraiment, tu comprends les deux parties, tu comprends le ping-pong qu'il y a, les réflexions qu'ils ont, et il y a un petit peu de surnaturel, de mythologique, et vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup là-dessus. Je confirme aussi, je suis très fan de Oba et Obata, et Death Note fait partie des mangas papier que j'affectionne énormément, et fait partie des rares mangas que ma femme a lu. Elle n'est pas très forcément manga, mais ces mangas-là, elle les a dévorés, elle a beaucoup aimé ces mangas. Alors, et toi, est-ce que tu as un manga qui t'a mis le pied à l'étrier pour le coup ? Ouais, alors je reviens juste sur Maison Ikkoku que Lennette nous a présenté tout à l'heure. Ça raconte, alors moi je la connaissais sous l'appellation Juliette Je T'aime, où je vais peut-être laisser Lennette le présenter rapidement pour savoir de quoi ça parle, parce que moi sinon j'ai donné les noms français et c'était pas très joli à l'époque. Alors je connais pas forcément tous les noms par cœur, mais en fait Maison Ikkoku, c'est un petit peu une sorte de comédie sentimentale en fait, qui se passe donc dans une sorte de pension familiale. Et on suit les aventures... comment est-ce qu'il s'appelle ? Je sais plus. Bah, il s'appelle Hugo en français et en japonais. C'est Godai, je crois. Et en fait, c'est un étudiant raté. Enfin, en fait, c'est un étudiant qui n'a pas réussi ses examens pour rentrer à l'université. Et c'est un peu un loser, en fait. Et il y a une nouvelle gestionnaire de la pension qui arrive, qui s'appelle Kyoko, je sais plus comment. Qui est veuve à 20 ans et dont il tombe éperdument amoureux et il se retrouve très vite en compétition avec un homme qui s'appelle Shun Mitaka de mémoire qui est prof de tennis au sourire ravageur et qui est riche et beau et jeune etc. Et en fait bah, derrière tout ça en fait c'est toute la vie de cette pension. Je trouve que tous les personnages sont intéressants, c'est souvent drôle, c'est souvent... ouais, c'est touchant, et ce que je trouve assez intéressant, c'est aussi que... En fait, l'histoire, donc le Maison Ikkoku, c'est une série en 10 tomes chez nous, je crois peut-être 11 au Japon, et en fait, c'est une série qui se déroule sur 7 ans, et où en fait, on voit les gens mûrir... au fur et à mesure de la série, et c'est, enfin, vraiment, moi, c'est vraiment, ouais, je trouve ça vraiment chouette, et ce qui m'avait particulièrement plu, et je pense que ce qui fait que je serais probablement beaucoup en désaccord avec Natacha tout au long de ce podcast, c'est une question de goût, en fait, c'est que moi, par contre, tout ce qui est chronique sociale, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et vous le verrez dans d'autres de mes choix. C'est quelque chose qui me plaît bien, et ce que j'avais adoré à l'époque dans l'animé, ce que j'ai retrouvé dans le manga, c'est qu'en fait ça nous donnait une fenêtre sur la société japonaise qui à l'époque était, on la connaissait pas du tout, et en plus c'était beaucoup plus moderne, donc dans les années 80, que ce que nous on pouvait avoir, ce à quoi on pouvait avoir accès en tant qu'ado dans les publications françaises. Enfin, moi, c'est vraiment un titre qui m'a marqué et que je conseille parce que je trouve ça vraiment chouette et intéressant quand on s'intéresse un petit peu au Japon. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était quelque chose qui changeait un petit peu des romances qu'on pouvait avoir à l'époque avec les Juliette Je T'aime ou Jeanne et Serge. Enfin, c'était pas vraiment les romances qu'on nous présentait. Mais Lucie l'amour et rock'n'roll. Excusez-moi. Non, je pensais à Lucie l'amour et rock'n'roll qui s'appelait aussi Lucie l'embrasse-moi en français. Où tout tournait autour de cette jeune fille, c'était un peu mièvre, amoureuse de ce chanteur. Et dans Maison Ikkoku, on avait vraiment une relation qui était différente de ce jeune homme qui est un peu paumé et qui tombe amoureux de cette jeune veuve de 20 ans. 20 ans et veuve, bah, c'était pas commun du tout. Et puis, bah, toutes les petites histoires avec ses voisins qui embêtaient leur monde, tous les voisins qui... Il y avait des trous dans les murs où ils se faufilaient dans les murs pour aller dans les appartements des uns et des autres. C'était un peu miteux quand même. Il y avait déjà tout le côté burlesque. Ça, c'est bien faire, Rumiko Takahashi, des trucs totalement... En fait, sur un univers assez réaliste, en fait, elle introduit quelques détails ou quelques éléments qui vont apporter de la fantaisie. Parce que même Ranma Anmi, en fait, C'est le monde tel qu'on le connaît, mais elle va apporter un truc en plus qui va donner un peu des choses intéressantes à l'univers. C'est tellement bien, Ranma 1/2. Moi, je conseille fortement les gens de s'ils sont intéressés à Rumiko Takahashi, qui a une récompense à Angoulême il y a 2-3 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait, grand prix, je crois. Ouais. Il faut lire aussi Ranma 1/2, Inuyasha, enfin tout cet univers-là. C'est une très grande autrice. Il faut pas passer à côté d'elle. Pour ma part, donc Mopral me demandait tout à l'heure, donc à moi de prendre la parole. Moi, je suis un peu un vieux de la vieille, parce que j'ai connu un peu toutes les époques. Je suis né à la fin de la génération Albator, au tout début de la génération Club d'eau. Donc j'ai vraiment connu les mangas au tout début quand c'est arrivé, avec Mystérieuse Cité d'Or, Ulysse 31, un petit peu Capitaine Flamme, un petit peu Goldorak, c'était plus mes grands frères, ça. Mais moi, le manga papier, comme j'ai grandi une petite ville qui s'appelle Abbeville, ben, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il y avait seulement les petits fascicules Dragon Ball, mais j'avais envie de découvrir autre chose. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans les années 90, il y a une collection de mangas qui s'appelait Manga Collection, tout simplement, qui était sortie avec l'animé Street Fighter 2. Il y avait l'animé Street Fighter 2 qui était sorti, et pour le tome 1, ils offraient en plus le tome 2 qui était Gum. Et donc on avait deux OAV, moi j'avais lu des critiques sur Player One concernant Street Fighter 2, et j'avais vraiment envie de le voir, donc j'avais acheté ça, puis Gum je m'en foutais un petit peu, j'avais mis ça de côté, et quand j'ai regardé, je suis carrément tombé amoureux de l'univers, et je voulais savoir la suite, je voulais savoir qu'est-ce que c'était, d'où ça venait. Et donc je suis allé sur Amiens, qui était pas très loin d'Abbeville, pour m'acheter des tomes. Et à chaque fois que j'allais sur Amiens, je m'achetais quelques tomes de Gum, et ça a été pour moi une véritable découverte, une vraie révolution, de découvrir un peu un manga sombre, un manga glauque, mais un manga aussi hautement philosophique, avec un personnage qui est pas juste une fille badass qui tabasse avec du sang partout, qui gicle partout, mais avec une vraie réflexion sur l'humanité, la réflexion sur c'est quoi un être humain, c'est quoi un robot, c'est quoi une machine, que je retrouve un petit peu dans mes lectures de science-fiction de Philip K. Dick notamment, et je trouvais ça incroyable qu'on puisse aborder ces thèmes dans un manga papier, et je trouvais les dessins tellement beaux. J'étais habitué au Dragon Ball au niveau des dessins, donc des dessins cartoonesques, des personnages avec des muscles, même sur les endroits qui n'existent pas. Mais là, découvrir des personnages comme Ido, comme Gali, comme Makaku et tout ça, c'était une vraie révolution pour moi. Donc je suis devenu très fan de Gum, j'ai tous les tomes, j'ai aussi Last Order, j'ai commencé aussi Mars Chronicles, qui est la nouvelle suite. Parce que Yukito Kishiro avait dû mettre la série un peu en pause. Il me semble qu'il avait fait une dépression à la fin de Gum, donc il avait clôturé un peu son histoire rapidement, et il a décidé de reprendre le dernier chapitre, de tout supprimer et de réécrire une vraie fin qui est sur une quinzaine de tomes, si je dis pas de bêtises, de Last Order. Et enfin, moi je reste fan, c'est super, c'est beau visuellement, et ça a des fois des grandes réflexions sur la philosophie, sur la pensée, que suis-je, etc. etc. Donc je sais pas trop si vous avez déjà lu Gum, si vous avez déjà vu l'anime Gum, ou entendu parler de Yukito Kishiro, qui est surtout connu pour Gum et pour sur Ashman, qui est un petit standalone qu'il a fait à côté, et puis un petit manga sur deux tomes qu'il avait fait, et j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y avait un de mes collègues, enfin mes collègues, oui, enfin collègues de lycée, qui m'en avait parlé. Et c'est vrai que j'avais essayé de m'y intéresser, mais je crois que j'avais eu un peu de mal sur le style graphique. Ça, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu repoussé, mais c'était à l'époque, donc il faudrait peut-être que je retente. Mais je le vois souvent passer. Je sais que Moguri en avait pas mal parlé aussi. Il adorait celui-là, ça faisait partie de ses favoris. Enfin, j'en entends que du bien, mais c'est vrai qu'il faut que je me lance à un moment, mais je sais pas. Peut-être parce que je cherche peut-être un peu plus de gaieté, on va dire, dans les mangas, et du coup, j'ai jamais trop voulu m'y mettre, mais je pense que j'essaierai à l'occasion. Il faut savoir aussi qu'il y a une nouvelle réédition qui a été faite avec une meilleure traduction, et puis les pages sont mieux faites. Glénat avait une tendance dans les années 90 à inverser le sens de lecture pour le mettre à l'européenne, et donc du coup, Gum était retrouvé en version miroir, donc les gauchers devenaient droitiers, etc. Et la traduction était pas aussi bonne qu'elle pouvait l'être maintenant. Pour des raisons qu'on connaît tous, hein, c'est pareil que pour les jeux vidéo, c'est que les mangas, ça passait par la case traduction anglaise avant d'arriver sur la traduction française, et on perdait du sens sur certaines discussions. Donc là, si vous voulez refaire la série Gum, sachez qu'elle est ressortie chez Glénat avec une meilleure trad, et puis il y a toute une suite qui est derrière, que j'aime beaucoup aussi. Même si j'aime moins Last Order, je trouve qu'il a créé un univers cohérent, qui donne des explications, qui donne des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Et même si elles sont pas satisfaisantes, bah, elles existent, elles sont là, et voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, autant moi, j'ai pas accroché du tout aux suites, autant Gum, ça reste un grand souvenir. Je les ai découverts à l'époque dans les Manga Mania. Un peu comme toi d'ailleurs, Barjac. D'ailleurs, vu ton pseudo, on aurait pu se douter que tu allais nous parler de Gun, hein. On a déjà eu ce... Bien évidemment. On a déjà eu ce petit débat sur Twitter, tous les deux. Mais moi, Gun, j'avais adoré l'histoire, j'avais adoré justement la profondeur des personnages et tout leur background. C'était quelque chose qui était quand même assez impressionnant de voir un monde apocalyptique où des robots ont des sentiments, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Et ça part dans des trucs, enfin... Moi, je me rappelle notamment d'une scène où justement Barjack meurt. C'est un méchant à la base. Sur la musique de Carmina Burana, où on a les paroles de Carmina Burana, c'était extraordinaire. C'était fort, c'était très très fort. Moi, mon tome numéro 5 reste vraiment que mon tome préféré, c'est une histoire à lui tout seul, il y a un début, il y a une fin. Si on doit résumer Gum à un seul tome, c'est le tome 5, il est absolument incroyable. Et pour revenir effectivement sur mon pseudo, Barjack, ça vient bel et bien effectivement de Gum, où le gang du Barjack veut faire tomber Zalem, qui est une cité utopique, et c'était un pseudo que j'avais pris dans mon adolescence à cause de Gum. Et que j'ai conservé toute ma vie dans mes boîtes mail, dans mes jeux et tout ça. Donc effectivement, ça vient de là. Bien, merci de m'avoir déjà expliqué un petit peu pour vous quelle était votre première rencontre avec les mangas. Je vais vous demander, c'est quoi votre préféré? C'est quoi votre manga que vous pourriez relire tous les ans, que vous pourriez relire à chaque fois et que vous êtes très critique quand on commence à l'abîmer un peu? Volontairement, on ne va pas répéter ce qu'on connaît déjà. Par exemple, moi, je pourrais très bien parler de Gum de nouveau, mais je vais pas le faire. Je vais en choisir un autre. Alors, cette fois-ci, Lina Nounette, c'est quoi ton manga préféré de tous les temps? Bah, c'est un peu une colle, ça, parce que effectivement, j'aurais bien remis Maison et Coucou. Moi, je crois qu'un titre pour lequel j'ai quand même un vrai attachement, c'est City Hunter. City Hunter, bah, c'est un classique, hein. Tu parlais des éditions bien pourries. Je sais pas si tu as connu l'édition J'ai lu avec l'encre qui se délavait un peu, enfin, tu sais, qui Oui, était. absolument immonde, oui. qui bavait sur les cases, qui bavait sur tes doigts, enfin voilà, mais bon, City Hunter, donc chez nous c'est Nicky Larson, c'est un grand classique, je pense Tout à que fait. beaucoup de gens connaissent City Hunter, donc de Tsukasa Ojo, c'est une petite série de 35 volumes quand même, qui suit une sorte de tueur à gages slash détective privé slash pervers sexuel qui va résoudre en fait des enquêtes accompagnées de sa coéquipière Kaori. Bah, c'est moi je trouve ça à enlever. Je prends toujours beaucoup de plaisir à le relire. C'est pas forcément. Bah, je trouve qu'en fait bon, il y a des séries que j'aime beaucoup qui m'ont marqué, mais qui sont pas des séries que je vais relire. Tout comme il y a des films qui m'ont marqué, qui sont pas des films que j'ai envie de revoir. C'est-à-dire que à aucun moment un soir, je vais me dire, tiens, si j'allais regarder Le Tombeau des Lucioles ce soir. Ça, c'est un truc qui m'arrive pas. C'est un grand film, mais Sauf si t'as voilà. envie de déprimer un petit peu dans ton coin avec Voilà. le... Donc il y a des œuvres majeures que j'adore, qui m'ont marqué et que pourtant je vais pas relire. Et le City Hunter, c'est une série que je vais prendre. Vraiment plaisir à relire, et ce qui est suffisamment rare parce que je relis assez peu de titres. D'accord, bah merci. C'est vrai que City Hunter, on connaît tous ça comme Nicky Larson en France. On connaît tellement bien ça, Nicky Larson, qui est une adaptation française de Philippe Ah non, pitié, Lachaud. pitié, non, pas ça. Non, non, je vois pas de quoi tu parles. Ça n'existe pas. C'est dans une autre temporalité, ça. Alors attendez, là je vais quand même être honnête parce que je l'ai vu. Et je m'attendais vraiment, parce que bah, Philippe Lachaud, quoi. Je veux dire, à un moment. Eh ben, en fait, je trouve que c'est pas si mal. Ouais, je suis complètement d'accord avec Lina Nounette. Je m'attendais vraiment à une grosse bouse et j'avoue, j'ai rigolé deux, trois fois dans le film. Ce que je vais critiquer sur le film, c'est que c'est trop une parodie du Club Dorothée. C'est Nicky Larson, c'est pas City Hunter, voilà. Mais voilà, c'est trop. Il y a trop de clins d'œil au Club Dorothée. Il y a trop de clins d'œil. On va avoir un chevalier sur un petit bateau, peut-être marqué le chevalier du Zodiaque. Il y a trop de clins d'œil au Club Dorothée, je trouve. Mais Bah, il après, y a même Dorothée d'ailleurs. voilà. Mais après, je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort pour faire un truc à la City Hunter. Il y a des gags qu'on voit dans Nicky Larson, dans City Hunter, pardon, qu'on retrouve dans Nicky Larson. Mais là, pour le coup, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont fait une adaptation de Nicky Larson, parce que le Nicky Larson, c'est-à-dire l'adaptation française de l'animé City Hunter, c'est pas exactement pareil, quoi, tu vois? Oui, il y a de la censure et puis les doublages vraiment mauvais et les prénoms changés. Oui, et puis comment les méchants, ils sont un peu ridicules. Enfin, et ils sont ridicules dans le Nicky Larson, notamment par le doublage. Mais je trouve que quand même le film est pas trop mal. Après, j'ai une grosse réserve hein, sur le film de Philippe Lachaud. C'est que on comprend bien hein, qu'il se soit fait plaisir à prendre le rôle de Nicky Larson, mais par contre, je suis désolée, il n'a pas du tout la carrure pour le faire. Donc ça va pas du tout, par contre. C'est pas faux. On peut pas te contredire là-dessus. Bon, après, il a eu l'effort, il a fait. C'est un rêve de gosse qu'il voulait faire, il a réussi à faire. C'est pas si dégueu que ça. Bon, voilà, ça passe. Et c'est vrai que l'histoire, c'est carrément une histoire à la Nicky Larson, quoi. Bref, on va éviter de parler des adaptations, sinon. Mais c'est pas si, c'est franchement c'est pas si mal. Hein. À Si vous regarder avez d'un œil l'occasion, curieux, à regarder d'un ouais. œil curieux quand même, voilà. Alors moi je vous admire, j'ai tenu 10 minutes. Avec Bruno, au bout de 15 minutes, on l'a laissé tomber. Ah oui, c'est la baston dans le truc de chirurgie esthétique au tout début, là, non? Ouais, c'est ça, ça nous a achevé. C'est dommage, j'avais des bonnes blagues après. Mais bon, après, ça s'entend complètement. Moi, quand j'ai vu Alita, au cinéma, je suis allé voir en disant, allez, c'est une adaptation de Gum, c'est pas Gum. Et je pense qu'il faut se dire la même chose, c'est l'adaptation, c'est pas. Cela dit, Alita était pas mal. Il était pas mal, hein, ouais, c'est une bonne surprise. Et visuellement, c'était bluffant, je trouve. En grand écran, ça fait plaisir. Mais après, on perd tout le côté philosophique. Je trouve que c'est une adaptation de l'OAV et pas une adaptation du manga. Bref, on va pas parler sur ces temps des adaptations. On a dit qu'on ferait ça dans un autre move, s'il y a besoin. Natacha, qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, le manga que tu vas mettre vraiment au top du top, que tu pourrais relire et re-re-relire, ou même lire à ton fils, avant qu'il s'endorme le soir? Oui, alors peut-être pas quand même, hein, mais ça va être très compliqué parce que j'en ai plusieurs. Moi, j'ai une tendance à relire mes mangas jusqu'à plus soif. Je dois en être à une centaine de lectures de tous mes mangas, c'est un peu compliqué. Mais celui que je conseillerais vraiment, c'en est un qui est assez récent, qui s'appelle Tokyo Ghoul de Sui Ichida. Et je suis tombée amoureuse de ce manga. En fait, j'ai vu l'adaptation sur Netflix, l'animé sur Netflix. Et du coup, j'ai adoré l'animé, sauf que t'as pas la fin. Et du coup, je me suis tournée vers le manga, parce que là, t'as la fin, et je me suis enchaînée tous les volumes. Et en fait, c'est l'histoire en fait d'un étudiant qui se retrouve qui est dans un monde où existent des ghouls. Alors, les ghouls, c'est des humains qui doivent manger de la chair humaine pour survivre, et qui ont des pouvoirs un peu. Enfin, pas des super pouvoirs, mais ils ont une force physique plus grande, ils ont ce qu'on appelle des kagunés, donc c'est un peu des super pouvoirs, on va dire. Et en fait, lui, il devient la cible d'une goule, et il a un accident, la goule meurt, et en fait, on lui transplante des organes de cette goule. Et lui devient à moitié goule. Et en fait, tout part de là, et c'est en fait, il veut rester humain, il veut pas devenir goule, et puis après, quand il vient dans le monde des goules, il se rend compte que finalement tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, et en fait c'est toujours cette dualité là moi qui m'intéresse, c'est que il se rend compte que tout n'est pas si simple, et il finit par prendre le parti des ghouls, mais alors c'est les ghouls contre les humains, donc il sait pas trop dans quel camp se placer, et il va grimper comme ça, d'un coup du côté des ghouls, d'un coup du côté des humains, pour au final essayer de trouver sa place. Voilà, et c'est un manga que je trouve absolument absolument génial, et aussi assez philosophique. T'es nul. Désolé. Non mais Mopral vient de faire un jeu de mots, mais je abominable. vois les jeux de mots là, c'est oh là là. Au secours. Pour revenir sur l'adaptation Netflix, alors je sais pas si c'est Netflix qui est co-financé, mais il y a eu 3 saisons, et la première saison respecte le manga. À partir de la saison 2, ça devient vraiment moins bon et ça respecte plus le manga. Et je me suis forcé à regarder les 3 saisons, et moi je pense que j'ai commencé à lire les mangas. Parce que autant j'ai adoré la première saison, autant le reste, j'étais profondément déçu de la suite qui avait été adaptée. Linonette, est-ce que tu connais Tokyo Ghoul, toi? Bah non, mais du coup, je l'ai noté là sur mon petit carnet à côté de moi. Je vais aller regarder ça après. Non, je connais pas du tout. Et Mopral, donc mis à part tes jeux de mots, je pense que tu connaissais pas non plus, c'est ça? Non, je connaissais pas, mais je sais que Natacha en a beaucoup parlé, et donc c'est dans ma watch list ou ma read list, je sais pas. Mais non, je connais pas par contre. Alors moi, il faut que je vous raconte cette petite anecdote. J'ai un petit fiston qui a 15 ans et qui a regardé Tokyo Ghoul, qui est devenu très très fan de Tokyo Ghoul, et il s'est décoloré les cheveux en blanc et il s'est acheté le masque. Voilà. Ton fils, Ah oui, des fans. c'est quelqu'un de goût quand même. Je trouve qu'il va falloir qu'on discute tous les deux. Oui, et là, comme ses cheveux repoussent noirs en dessous, en plus on se retrouve avec. Il a actuellement la coiffure de la saison 2 du deuxième arc. C'est très Sasaki, drôle. ouais, Sasaki. Exactement. Et moi, je trouve. Voilà. Lui, il sait pourquoi il a fait ça. Il y a certains de ses copains qui connaissent un peu le manga et qui le savent. Et c'est très bien. Et voilà. Ça lui va bien, tant mieux. Après, il est jeune, il a voulu essayer un truc. Ok, il a testé le truc, mais au dernier Halloween, il avait acheté carrément le masque de Tokyo Ghoul. Et il voulait se faire plaisir. Alors, il a du bol quand même, parce que moi j'ai essayé de faire ça, j'ai fini blonde platine quand même. C'était pas très blanc quand même, hein. C'était plutôt par le blond très très. Il a les cheveux quand même très très noirs à la base, donc il y a eu deux décolorations de fait, mais je crois que voilà, il a dit ça m'a brûlé le cuir chevelu, je pense pas que j'ai recommencé. Ensuite, bah, notre ami Mopral, c'est quoi ton manga, le top of the top? Alors pareil, hein, normalement ça aurait été techniquement Death Note, j'imagine, mais je vais changer un petit peu. Je vais dire, je pense, Crossolic de Clamp aussi. Alors je dis ça fait quand même longtemps que je l'ai pas lu, donc j'aimerais m'y remettre. Mais ça reste un de mes premiers Clamp, je pense. J'ai peut-être regardé en parallèle, enfin lu en parallèle Tsubasa Reservoir Chronicle, mais j'ai pas trop aimé, principalement parce que le style graphique c'était des fois un peu n'importe quoi. Il y avait des pages que j'arrivais pas à comprendre parce qu'il y avait trop de trucs partout. Mais voilà. Mais sinon, Crossolic, c'était un truc qui m'avait beaucoup plu quand je l'ai lu. Alors globalement, ça raconte l'histoire. Alors je trouve que c'est de Kimihiro Watanuki, qui en gros, qui est un lycéen qui voit des esprits. Et un jour, en se baladant, il va toucher la barrière d'une maison et tous les esprits vont disparaître. Donc il est un peu curieux. Il va rentrer dans la maison, il va tomber sur une sorcière hein, qui va voir qu'il y a des esprits qui le suivent, qui va voir qu'il a un talent. Et globalement, il va être un peu, elle va l'aider à l'exorciser et en échange, il va devoir travailler pour elle. Et du coup, il va rencontrer plein de gens, plein de plus ou moins de malédictions, d'esprits, etc. Et donc ça touche un peu dans le folklore japonais, ça touche un petit peu vraiment très onirique. Il y a plusieurs choses qui tiennent du domaine du rêve ou alors des trucs qu'on connaît. Et moi j'ai beaucoup aimé par son aspect bah justement onirique, un petit peu, c'est un peu un gros mot là, mais philosophique on va dire, où il y a des petites phrases clés comme ça, par exemple le hasard n'existe pas, tout n'est que fatalité. C'est quelque chose qui sonne bien, voilà, qui dit oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard. Tout découle d'autre chose, quoi. Si quelque chose arrive, c'est parce qu'il y a autre chose qui a été fait en amont. Et c'est vraiment un manga hyper calme et un peu posé, que j'aime bien, voilà, que j'aime bien relire. Je trouve qu'il y a une très très belle édition qui a été faite, vraiment en reliure noire, très très jolie. Et je trouve ça joli à voir, joli à lire, et c'est quelque chose que j'aime bien regarder de temps en temps, même si c'est juste des petites pages comme ça, j'aime bien y retourner à celui-là. Et pourtant, je suis vraiment pas fan de Clamp, surtout de leur dessin ou de leur perso qui font 3 mètres de haut. Moi-même étant grand, je sais ce que ça fait. Mais à part ça, sinon, j'accroche bien à Crossolic et ça fait partie vraiment ouais, de mes préférés là-dessus. D'accord, donc ouais, c'est du Clamp, ouais, c'est ce que je vais te poser comme question, mais c'est aussi le collectif d'autrices Clamp qui a sorti celui-là comme manga. C'est ce manga-là qui est un crossover de tous les univers? Non, c'est Tsubasa Reservoir C'est Chronicle. Tsubasa Reservoir Chronicle, mais toutefois, l'un découle de l'autre, c'est-à-dire que Crossolic va inclure en fait l'histoire de Tsubasa Reservoir Chronicle, et en fait les deux mangas ne vont pas arrêter de se croiser tout au long de l'histoire. Sachant que dans Tsubasa Reservoir Chronicle, on retrouve tous les personnages de tous les autres mangas de Clamp. D'accord, merci de cette précision. Effectivement, il me semblait bien qu'il y avait un lien. C'est le nom de Cross-Crossolic, en fait, c'est Crossover, c'est pour Crossover qu'ils l'ont appelé comme ça. D'accord. C'est 3X, non? Triple X, Ouais, c'est ça, Crossover. Ouais, voilà. Crossolic, mais je sais pas pourquoi il y a 3X, peut-être qu'il y a trois univers qui se mélangent, ça, j'ai pas creusé plus loin. Non, c'était pour pas faire un parallèle avec X. Ah oui, d'accord, ok. Ah, d'accord. Autre série de Clamp qui, elle, malheureusement, n'aura jamais de fin. Et pourquoi il n'y aura jamais de fin si c'est Clamp qui sort le manga? Parce qu'en fait, ça parle énormément de tremblements de terre. En fait, c'est des histoires de kekai qui sont des barrières protectrices, en fait, qui sont détruites. Et quand un kekai qui englobe un quartier ou une ville est détruit, la ville ou le quartier en lui-même est détruit par des tsunamis, des tremblements de terre et tout ça. Et en fait, elles l'ont fait. En fait, c'est X-1999, à la base, le titre. Et quand, en fait, le manga est sorti, ils étaient dans une période où le Japon connaissait beaucoup de séismes et beaucoup de tremblements de terre. Donc elles l'ont mis en pause. Et en fait, au final, après, c'était Mokona qui le dessinait. Et après, ils ont changé de dessinatrice. C'est Nekoi qui a pris le relais. Mokona ne dessine plus. C'est là qu'on a beaucoup perdu, malheureusement, en graphisme, parce que les graphistes de Mokona étaient absolument superbes. Et en fait, au final, elles ne le relanceront jamais parce que, bah, au vu de ce qui se passe dans le Sujet monde, sensible. voilà, le sujet est sensible et elles ne veulent pas le finir. Et on ne saura jamais la fin. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Je confirme. Ouais, ça peut arriver sur certains mangas lorsque l'auteur est un peu trop fatigué ou un peu trop malade ou un peu trop déprimé. On a parfois bah, pas de fin pour certains de nos mangas préférés. On peut mettre dedans Hunter x Hunter notamment. On peut mettre aussi dedans. J'allais sortir un autre nom avec un exorciste que j'ai perdu aussi. Mais voilà, ça fait partie malheureusement de ces mangas qui ne connaîtront peut-être jamais de fin. Voilà, c'est dommage et c'est vraiment vraiment dommage quand une œuvre part trop loin et qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Quant à moi, je parlais aussi de mon manga que j'ai déjà relu à plusieurs reprises. Alors c'est un manga de Naoki Urasawa. Alors je sais que vous êtes tous à peu près connaisseurs de ce monsieur-là. C'est l'auteur de 20th Century Boys, de Billy Bat, de Pluto et d'Asadora qui sort en ce moment. Et moi, je vous parlais plutôt de Pluto. Ça tombe bien. Pluto, c'est quoi? C'est une réécriture d'un épisode d'Astro le petit robot, mais avec la patte d'Urasawa, donc avec des dessins plus, des traits plus réalistes, avec des personnages qui ont des gueules spécifiques qu'on retrouve un petit peu dans les œuvres de Urasawa comme Monster ou Billy Bat. Il y a des personnages qui s'en ressemblent un peu. Et j'avais lu une interview d'Urasawa qui expliquait qu'il avait découvert que Osamu Tezuka, le papa d'Astro Boy, commençait à haïr son œuvre. Il commençait à détester Astro Boy, Astro le petit robot chez nous, et que du coup, c'est pour ça qu'il a commencé à faire n'importe quoi, comme des mitraillettes dans les fesses ou des choses comme ça, et que du coup, c'est une œuvre qu'il a commencé à détester. Et donc, dans la réécriture d'Astro Boy, de Pluto, je veux lui dire, Urasawa a repris un épisode qui raconte l'histoire du robot le plus fort du monde en donnant tout un côté dramatique. C'est-à-dire qu'on n'est plus le côté très léger qu'on pouvait parfois trouver dans les œuvres d'Osamu Tezuka, quelque chose de très joli, très rond, avec des personnages avec des yeux énormes et tout ça. Mais on a une enquête policière dans un univers futuriste. Donc on suit le quotidien de Geishist, qui est un inspecteur de police robot, qui enquête notamment sur des crimes commis peut-être par un robot. Et normalement, les robots ne sont pas censés tuer, s'entretuer. Donc, il fait cette enquête policière, et durant cette enquête, il va croiser la route de Astro. Et cette réécriture, elle est vraiment incroyable d'avoir donné autant de profondeur à ce personnage-là, d'avoir créé de l'ambiguïté dans ces personnages. On a le commissaire Geishist qui a un trauma, on ne sait pas trop quoi, on va avancer, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. On a Astro qui va essayer d'avoir des sentiments différents que juste l'amour et l'amitié, notamment la colère et la haine. Et moi, je conseille fortement, si vous connaissez bien Astro Boy, de lire Pluto. Même si j'aime beaucoup aussi Billy Bat, qui parle plutôt d'une entité, d'un dessinateur, etc. On est plus sur du surnaturel. Pluto, c'est du futuriste. Et moi, j'ai redécouvert Astro, que je connaissais gamin, que j'ai regardé quand j'étais tout petit avec ce petit robot. Voilà, j'étais très très fan de gamin, et là j'ai redécouvert ce personnage-là avec un œil différent, avec un œil adulte, et franchement, je ne peux que vous conseiller Pluto. Je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas eu d'adaptation animée, parce que je pense que ça pourrait très bien rendre, comme il y a eu Monster en animé qui était très bien foutu, qui est aussi bien à lire qu'à voir, Pluto, je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi je vous le conseille fortement. Je suis assez fan de Naoki Urasawa, effectivement, moi aussi. J'ai pas lu tout ce qu'il a fait, mais j'ai beaucoup aimé notamment 20th Century Boy, même si je trouvais que ça traînait un peu en longueur. Plutôt, je crois que tu vois, j'avais commencé les mangas et j'avais arrêté de les acheter. Du coup, j'ai jamais eu la femme. Il faudra vraiment que je m'y remette, parce que c'est vrai que c'est un auteur que j'aime beaucoup, déjà par son trait, qui est vraiment un trait très particulier, mais que j'aime énormément. Et moi, je connais surtout Happy, qui raconte l'histoire de... Alors, je sais plus le nom, mais c'est une jeune fille qui veut marcher dans le tennis, en fait, et voilà, qui fait du tennis. Et c'est vraiment, ça dépeint tout un univers dans le tennis où elle est vraiment hyper gentille, hyper serviable, et elle se fait avoir par tout le monde. Il y a que des enfoirés tout partout autour d'elle, et elle essaye de s'en sortir malgré ça. C'est déchirant à lire, mais vraiment, j'aime énormément ces histoires. Je trouve que les personnages sont extrêmement profonds. Son trait est vraiment magnifique, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai un peu moins aimé 27 Theory Boy parce que ça traînait trop en longueur. Mais le reste, dans tous les cas, je peux que conseiller Naoki Urasawa. Effectivement, pour moi, c'est un grand oui là-dessus, quoi. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que les personnages, on peut commencer à aimer, détester certains personnages, et puis il y a certains personnages qu'on va détester au début, qu'on va commencer à apprécier ensuite. Ça m'avait fait aussi beaucoup ça pour Monster, qui est plus connu d'Urasawa, parce qu'il y a une adaptation qui raconte l'histoire d'un chirurgien qui sauve la vie d'un enfant, et l'enfant devenu adulte est devenu tueur en série. Donc le chirurgien décide de partir à la recherche de cet enfant pour corriger une erreur du passé. Mais c'est plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe, pourquoi cet enfant a été blessé, qu'est-ce que le monster, etc. Ça aussi, je peux vous le conseiller, mais c'est vrai que les traits, comme tu disais, il a un style qui, visuellement, c'est des traits très fins, mais très expressifs. Et je suis très fan, j'aime beaucoup ça. Et dès qu'il y a quelque chose sur Urasawa, bah, je vais m'interroger, regarder. Hasard du calendrier, Sébastien Abdelhamid de Click TV a sorti une émission dans la légende sur Naoki Urasawa hier. Donc, à voir sur YouTube si ça vous intéresse. Alors moi je vais aller regarder ça parce que je vous avoue que c'est un auteur que je ne connais, mais alors absolument pas du tout. Bah, tu vas pouvoir découvrir ça. Bah, par contre, ça va peut-être être un peu réaliste pour toi. Enfin, si t'as pas envie d'un univers contemporain, même si Billy Bat, c'est un petit peu différent. Moi, plutôt, je suis un peu comme toi, Barjac. J'ai vraiment beaucoup aimé, alors que je suis un peu plus mitigée sur Monster et beaucoup plus sur 20th Century Boys, que j'ai trouvé globalement trop long. Et j'ai pas trouvé les conclusions satisfaisantes. Du coup, j'ai pas lu Billy Bat. Enfin, j'ai lu le début de Billy Bat et j'ai pas lu autre chose en fait. Billy Bat, ce qui est très bien aussi, c'est que l'histoire se passe sur 50 ans, avec des personnages aussi bien japonais qu'américains, de tout pays, avec cette espèce d'entité, Billy Bat, qui est un personnage de cartoon, mais qui existerait peut-être depuis l'aube du temps, et qui parle à certains auteurs pour les forcer à écrire des histoires qui sont rattachées à la réalité. Donc il y a un peu de science-fiction quand même dedans, et quand même, peut-être que Natasha sera peut-être plus sensible à Billy Bat que bah, l'histoire d'un tueur en série ou l'histoire d'un robot du futur qui a des sentiments. Oh bah moi, vous savez, Astro Boy, j'aime bien, hein, donc je pense que je vais essayer de... Bah, de toute façon, je suis ouverte à tout, hein, il y a des séries un peu plus réalistes comme Nicky Larson, desquelles je suis fan, hein, donc... Ce qui est bien, hein, plutôt, c'est que c'est court. Hein. Il y a pas 50 tomes. Je crois que c'est, je sais pas s'il y a 7-8 tomes à peine dedans. C'est Ouais, je crois que vraiment. c'est 8. Il y a un très beau coffret là qui est sorti, je crois, l'année dernière, au moment de Noël de Pluto. Il y a vraiment des chouettes éditions. Ouais, c'est vraiment chouette. Je vous le conseille fortement. On va passer maintenant à une autre petite question. Moi, je vais poser un petit peu comme question. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller comme manga à quelqu'un qui n'a jamais lu de manga ou quelqu'un qui voudrait s'y mettre, quelqu'un qui dit que les mangas c'est débile, c'est n'importe quoi, c'est des personnages avec des gros yeux, avec des filles qui ont des grosses poitrines, et puis des personnages qui sont trop trop puissants pour couper la Terre en deux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur conseiller à ces gens-là? J'ai commencé cette fois-ci par Mopral. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ouais, alors je vais parler d'Ikigami, ça tombe très bien que tu prennes ce sujet-là parce que j'ai pile ce qu'il faut. Alors Ikigami, je sais pas si c'est hyper connu. Ouais, je l'ai lu, je trouve ça très bien aussi. J'ai beaucoup aimé, je les ai à la maison, et mon fils aussi les a lus, et pourtant il n'est pas fan forcément de ce genre d'ambiance-là. Mais là, je trouve que c'était très bien écrit. Globalement, Ikigami, qu'est-ce que ça raconte? C'est une sorte de pays asiatique imaginaire et non nommé, mais normalement, bon, on devine plus ou moins que c'est un peu le Japon, hein. Et en fait, chaque enfant, quand il est jeune, il va recevoir une sorte de vaccin. Et dans ce vaccin, t'as un vaccin sur 1000 qui va contenir une petite capsule qui est indétectable et qui va exploser quand il aura entre 18 et 24 ans, le tuant. Et alors il se trouve que c'est très tracé, c'est-à-dire que quand ils injectent un vaccin à un enfant, ils savent très bien s'il a la microcapsule ou pas et à quel moment elle va exploser. Et du coup, entre 18 et 24 ans, un jour, peut-être qu'un gars va recevoir un avis, un préavis de décès, en fait, l'Ikigami, 24 heures avant sa mort. Du coup, voilà, il y a plusieurs agents, ils vont se déplacer, ils vont aller chez la personne, ils vont dire, voilà, c'est votre Ikigami, vous avez 24 heures et ensuite, vous allez mourir, vous pouvez pas y échapper. Et le principe du manga, c'est que, globalement, ça va être des histoires de personnes qui vont recevoir l'Ikigami. Donc, ils vont vivre ces 24 heures de manière totalement différente. Il y en a qui vont faire n'importe quoi, il y en a qui vont déprimer. Normalement, quand ils reçoivent les Ikigami, ils ont les fonds illimités, on va dire, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans n'importe quel restaurant chic pour vivre au mieux ces dernières 24 heures. Et il va y avoir des histoires qui vont vraiment pas bien se passer. Il y a vraiment des moments où moi j'ai dû poser le manga, souffler 2 secondes parce qu'il y avait vraiment des histoires qui prenaient au trip. Tu t'attends pas forcément à cette fin-là et waouh, ça te prend un peu au trip, quoi. Et à côté de ça, bah du coup, tu suis un gars justement qui distribue les Ikigami, c'est son rôle, et qui va se poser un petit peu des questions sur cette société, sur pourquoi on fait ça, est-ce que c'est vraiment sain de faire ça, Et bah, du coup, vu que c'est une dictature, il n'a pas forcément le droit, etc. Bon, tu as tout un aspect comme ça. Il va poser des questions pour se renseigner un peu là-dessus, etc. Mais rien que pour avoir les histoires de ces gens qui vont vivre leurs dernières 24 heures comme ça après avoir reçu l'ikigami, c'est vraiment passionnant et je pense que c'est vraiment adepte pour les gens qui connaissent pas les mangas. Parce que ça se lit vraiment un peu comme, plus ou moins comme un thriller, mais un petit peu drame et un petit peu de romantisme, etc. Donc, on est loin des gens au super pouvoir. Voilà, par exemple, Death Note, ça pourrait pas plaire parce que c'est un peu magique. Voilà, ils combattent comme ça à coup de Death Note. Là, c'est vraiment un peu plus posé, plus réaliste, on va dire, même si actuellement, c'est pas forcément possible, mais voilà, on est plus sur un truc crédible. Et bah, du coup, ça pourrait plaire, je pense, à pas mal de gens d'avoir ce genre de contexte-là pour au moins plonger dans les mangas à ce niveau-là. Et ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais je trouvais le dessin vraiment, vraiment très beau aussi à ce niveau-là. Je crois que c'est de Motoro Mazze, donc je sais pas ce qu'il a fait d'autre, mais en tout cas, j'aime beaucoup Ikigami et c'est toujours un plaisir que j'ai à le relire. Alors, faut savoir aussi, c'est 10 tomes, c'est relativement court, et il y a des coffrets qui sont déjà sortis avec l'intégrale de Kigami, et je suis d'accord avec toi. Ça se lit très très bien, et c'est vraiment chaque histoire, ça va être comment est-ce que les gens apprennent l'Ikigami, comment est-ce que cet agent gouvernemental va rencontrer les gens, et puis comment il va commencer à se poser des questions, sauf que bah, on n'a pas le droit de poser de questions. Et c'est vrai que c'est prenant, on ne sait pas vers quoi l'histoire va tourner, et puis on trouve avec des moments de drame, des moments de gens qui souffrent, qui veulent pas mourir, et des gens ou des gens qui vont péter les plombs. Voilà, tu as parfaitement raison, il est moins connu que certaines autres œuvres, mais je trouve que vraiment il vaut le coup d'être lu celui-là, et c'est un très bon choix. Est-ce que les Nanounettes, Natacha, vous connaissez, vous, l'Ikigami? Ouais, moi je l'ai lu aussi et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et un peu comme Mopral, il y a des moments où en fait t'es quand même un peu obligé de poser les volumes, quoi, parce que c'est touchant, c'est intéressant. C'est un titre qui est vraiment. Alors, pareil par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si j'aurais envie de le relire ou pas, mais en tout cas, c'est un très bon titre. Alors moi, par contre, je connaissais pas du tout. Mais j'avoue que le pitch me donne assez envie. Je vais peut-être bien aller découvrir ça, ouais, tiens. Bah, ça change un petit peu effectivement des seinen ou des shonen habituels et on a des histoires. C'est, je sais pas si on peut mettre dans la catégorie drame ou anticipation peut-être. Anticipation serait peut-être bien de mettre là. Ça change un peu et ça fait du bien de voir autre chose dans les mangas. Voilà. Natacha, toi, quel manga tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait s'y mettre ou quelqu'un qui aurait des préjugés sur les mangas et que tu pourrais dire, mais non, regarde, le manga, c'est aussi ça. C'est une vaste question. Moi, j'ai fait découvrir le manga à ma grand-mère avec mon voisin Totoro, donc on part de loin. Une excellente chose. Exact. Et d'ailleurs, elle avait adoré à l'époque et ça avait un peu changé son point de vue sur les mangas. Alors moi, je sais que alors, je t'interromps juste 2 secondes pour la petite histoire. Ma belle-maman, qui a 85 ans, a regardé l'intégralité des Ghibli sur Netflix et elle a adoré. Ah non, mais Ghibli, c'est la base, hein, c'est voilà. Moi, si je devais conseiller un manga, c'est un manga que j'aime beaucoup, c'est Full Metal Alchemist. Parce que Full Metal Alchemist, c'est du shonen, hein, on est d'accord, c'est de la quête, c'est le récit, le voyage initiatique de deux enfants qui ont voulu à un moment donné ressusciter leur mère qui était morte et qui se sont rendu compte qu'en fait, que l'alchimie, il fallait absolument. Enfin, le principe de l'échange équivalent, c'est-à-dire que pour avoir quelque chose, il faut donner quelque chose en conséquence. Et en fait, tout part de ce pitch-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont devenir. Enfin, ça va très mal se passer. L'un des frères va perdre totalement son corps et l'autre va perdre un bras et une jambe. Et en fait, le voyage initiatique, ça va être ces deux frères qui vont essayer, en apprenant le plus possible sur l'alchimie, de récupérer le corps du frère qui a totalement disparu. Qui a été mis dans une armure, son âme a été mise dans une armure, donc il est toujours là, potentiellement, mais il n'existe plus en réalité. Et en fait, ça va amener tout un tas de questions, tout un tas de cheminements philosophiques, à savoir, va y avoir des moments dans le récit où le frère qui n'a plus de corps va se dire, mais au final, est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que j'ai pas été créé? Parce que j'ai pas de corps pour le prouver. Au final, je suis peut-être une invention, je suis peut-être. Et en fait, ça va être toute une prise de conscience de ces deux frères et une prise de conscience de nous aussi, toute une critique aussi de tout ce qu'on peut faire quand on a un, entre guillemets, grand pouvoir, tout ce qu'on pourrait faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Et tout va tourner autour de ça et je trouve que c'est un truc qui est très très bien amené. Bon, alors j'avoue que le côté alchimie aide beaucoup aussi et qui en plus est très très bien documenté parce qu'il faut savoir que Hiromu Arakawa qui a écrit qui a écrit ce roman est très très très bien documentée sur le sujet. Moi-même étant documentée, je peux vous dire que elle sait de quoi elle parle. Et en plus, c'est une femme qui l'a écrit, donc là, voilà, encore plus, voilà. Et c'est vraiment une très très bonne œuvre, je trouve. Merci beaucoup. C'est vrai que je connais aussi Fullmetal Alchemist. Moi, j'ai découvert par les versions animées, les deux versions. Et j'ai découvert après la version papier, notamment quand ils ont décidé de sortir la version Brotherhood, qui suit plus le cheminement du manga. La première version, à partir de la moitié de l'histoire, à partir d'un twist malheureux dans l'histoire, ils avaient décidé de prendre une autre orientation, parce que le manga n'était pas encore fini à l'époque. Donc, entre-temps, le manga était tellement célèbre qu'ils ont ressorti une seconde version qui s'appelle donc Brotherhood. Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai connu FMA grâce à ça. Toi, est-ce que tu as vu ces adaptations-là ? On digresse un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment une œuvre majeure. Tu connaissais déjà les adaptations animées ou pas, Natacha ? Alors, moi, je pense que pour vraiment avoir tout le... Parce qu'il faut savoir qu'elle a aussi donné son avis pour les versions animées. Moi, je trouve que pour avoir tous les pendants de Fullmetal Alchemist, il faut regarder les trois. D'accord. Le papier, la première version, le Brotherhood. Exactement. Parce qu'en fait, chaque histoire... alors, Brotherhood se rapproche beaucoup plus du manga, mais s'en éloigne tout de même un petit peu. Par contre, la première version prend un angle, effectivement, comme tu l'as dit dans la deuxième partie, totalement différent. Mais en même temps, pas forcément... En fait, ça pourrait être une réalité alternative. Si les choix s'étaient faits de cette façon-là, qu'est-ce que ça aurait donné ? Et ça creuse encore plus les personnages, on voit certaines choses. Et en fait, c'est vraiment... Moi, je trouve que les trois sont interconnectés. Personnellement, j'ai tout regardé, moi, dans Fullmetal. J'ai lu énormément sur la série. Et voilà. Nanounette et Mopral, vous connaissiez déjà aussi... Enfin, je pense que vous connaissiez déjà Fullmetal Alchemist. Mais est-ce que vous aviez suivi aussi bien le papier que l'animé ? Mais est-ce que vous avez déjà suivi ce manga ? Moi, je connais que de réputation, en fait. J'ai pas lu ni regardé Fullmetal Alchemist. Et moi, me concernant, je crois que j'ai dû commencer avec justement l'anime Brotherhood quand il est sorti, parce qu'il était en simulcast, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour m'y mettre. Et après, j'ai adoré, donc j'ai enchaîné avec le manga, j'ai vu effectivement aussi la première version de l'anime. Je suis un peu moins d'accord avec toi, Natacha, à ce niveau-là, parce que moi, j'ai trouvé trop d'incohérences dans le scénario, dans la deuxième partie, justement, où il y avait des trucs qui matchaient pas, ça sentait que ça avait été un peu façon rustine et qu'il y avait des théories qui collaient pas, quoi, mais bon, après, voilà, c'est peut-être plus personnel. Mais dans tous les cas, FMA, oui, pour moi, c'est un grand oui, je peux que le conseiller là-dessus, autant le manga que l'anime, parce que c'est vraiment une œuvre majeure, hein, et pas de souci là-dessus. Merci beaucoup. Pour ma part, non, j'ai pas demandé à Mopran, je crois, non? Non, à Lina, je crois. Nanounette, effectivement, c'est à toi que j'ai pas demandé, Nanounette. Quel manga tu pourrais conseiller à quelqu'un qui serait frileux ou qui serait réservé à cet univers ? Généralement, les gens qui sont réservés au manga, enfin pour moi, c'est un peu les mêmes principes que les gens qui vont me dire « Moi, j'aime pas les films. » Moi, j'aime pas les films, j'aime pas les livres. Donc ça veut dire que aucun film ne pourrait te plaire ou aucun livre ne pourrait te plaire, ce qui me paraît un peu étrange. Mais je pense que... Il y a des auteurs classiques En fait, il y a des auteurs qui sont un peu plus proches de la BD, ce qui permet d'amener un peu en douceur sur le manga. Et moi, j'aurais tendance à conseiller à des gens qui sont un peu réticents, qui ne connaissent pas, un titre qui s'appelle La Cantine de Minuit. Donc ça c'est un titre qui est en cours, qui a commencé en 2007, qui est chez nous, il y a 8 tomes. Et au Japon, à l'heure actuelle, il y en a 22. Donc c'est un titre qui est un peu long, C'est un manga d'un monsieur qui s'appelle Yaro Abe. Je suis pas sûre qu'il ait fait autre chose, en fait. Ben, c'est un manga autour d'un restaurant qui s'appelle donc La Cantine de Minuit, qui est ouvert, en fait, de minuit à 7h du matin et qui est situé dans Shinjuku. Et en fait, le restaurant, c'est le seul endroit c'est le seul endroit où se passent des choses. C'est-à-dire qu'on voit pas les personnages ailleurs que dans ce restaurant. Chaque chapitre tourne autour d'un plat et d'une histoire. Et en fait, on rencontre beaucoup de personnages qui sont un petit peu en décalage avec la société japonaise, quoi. Dans les clients, t'as beaucoup une stripteaseuse, t'as des prostituées, t'as un acteur de porno, t'as des mafieux, etc. Et en fait, c'est toujours... c'est des histoires assez courtes, mais assez bienveillantes, en fait, sur des gens qui sont assez différents. Et puis, le petit plus aussi, c'est que sur chaque histoire, il y a un plat assez classique, classique, mais pas sans chichi, en fait, de la gastronomie japonaise. Du coup, j'ai découvert plein de trucs et plein d'idées de recettes. Et souvent, c'est un titre que je recommande à des gens qui ne lisent pas de manga, un peu à l'instar d'un titre des Taniguchi, quoi. Je trouve que ça permet de faire découvrir que le manga, c'est pas que du shonen, qui est l'image qui lui colle à la peau. Merveilleuse transition pour Taniguchi, merci beaucoup Luna. Natacha et Mopral, vous connaissiez, moi je connaissais pas du tout, en toute honnêteté, la cantine de minuit, ça me dit rien du tout. Vous connaissiez, vous, Mopral ou Natacha? Eh ben en fait, au moment où je l'ai lu, quand on a fait un petit peu préparer les mangas, je me suis rendu compte que c'était l'adaptation de la série Netflix que j'avais commencé à voir et que j'avais pas trop aimé, parce que voilà, je suis pas rentré dedans, hein, tout simplement. Donc là, de savoir qu'il y a un manga, peut-être que je vais plus m'y intéresser, mais sinon je connaissais absolument pas. Moi non plus. Là, j'avoue, c'est quelque chose que je connais pas du tout, mais je suis en train de voir là que l'éditeur a aussi publié un livre de recettes tiré justement du... Je sais, je l'ai. J'en attendais pas moins de toi. Non mais... En fait, alors, l'avantage de la cantine de minuit, si je puis me permettre, c'est que comme c'est pas un manga, entre guillemets, classique, il y a beaucoup de... Enfin, dans certaines bibliothèques et dans un nombre... Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis et je fais partie des gens qui l'ont pris en bibliothèque, en fait. Donc, ils se retrouvent assez facilement à l'emprunt parce que c'est un titre un peu différent et ça permet de changer un peu le fond de lecture des mangas de la bibliothèque, quoi. Donc moi je vous recommande d'y jeter un œil, c'est très particulier. Alors il faut savoir que moi au début j'étais assez réticente, le dessin qui est avec beaucoup d'aplat me plaisait pas vraiment beaucoup. Et en fait je suis rentrée assez vite dans l'histoire et maintenant c'est vraiment, dès qu'il y a un tome qui sort, j'essaie de voir s'il n'est pas arrivé dans ma bibliothèque pour pouvoir le lire. C'est vraiment un titre, c'est un titre qui je trouve fait du bien. Qui est assez positif et enfin, dans le contexte actuel ça fait plaisir. Alors là moi je t'avoue je viens de regarder un peu des images là, je pense que le style graphique va me rebuter totalement, mais je vais faire un effort et je vais quand même le lire. Non mais ça je peux comprendre, hein. Le style graphique, moi la première fois que je l'ai vu, les couvertures ça m'a pas du tout plu, enfin vraiment je me suis dit non je vais pas y aller et puis j'ai entendu une chronique sur Feu les croissants, si vous avez connu cette appli, et du coup je me suis dit allez je vais tenter. Il s'avérait qu'il était à ma bibliothèque et vraiment j'ai beaucoup accroché. C'est pour ça que c'est un titre dont je parle très régulièrement, parce que il passe facilement sous le radar alors que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'accord, bah merci pour ce conseil. C'est vrai que c'est bien de sortir un peu des sentiers battus, de proposer de nouvelles choses. Je ne connaissais pas du tout, en toute honnêteté. Effectivement, visuellement, c'est un style bien particulier, mais après, le thème peut être... Le dessin, ça ne fait pas tout. Des fois, la narration, l'histoire peut être tout aussi importante. On l'a bien vu avec One Punch Man, notamment, que le dessin ne faisait pas tout. Pour ma part, je vais rebondir sur ce que Lina Nunette disait, et merci pour cette fantastique transition, pour parler de Jiro Taniguchi, qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas très longtemps, et notamment l'une de mes œuvres préférées, qui est Quartier Lointain. Taniguchi, il a cette façon d'écrire et de dessiner qui est parfois un peu répétitive, où les personnages se ressemblent un peu trop d'un manga à un autre, mais n'empêche qu'il fait quand même des histoires relativement poétiques avec un petit soupçon de surnaturel. Quartier Lointain, c'est l'histoire d'un homme, Hiroshi, c'est un salaryman, il approche la cinquantaine, après une soirée un peu arrosée, il prend le train pour rentrer chez lui, mais il se trompe de train et finalement il rentre dans le village de son enfance. Il va se recueillir sur la tombe de sa mère, il fait un malaise, il s'effondre, et quand il se réveille, il a de nouveau 14 ans, on est de nouveau en 1963, et il revit sa jeunesse, mais en ayant sa conscience d'homme mûr de 48 ans, tout en ayant un corps de 14 ans, et notamment, il s'est posé une question toute sa vie: pourquoi est-ce qu'un jour son père a quitté le domicile, pourquoi est-ce que ses parents se sont séparés? Avec ses yeux d'enfant, il n'avait pas compris. Est-ce qu'avec son esprit d'adulte, il arrivera à comprendre? C'est joli, c'est mélancolique, ça fait un rappel à l'enfance. Il y a des dessins qui sont relativement doux et il y a des moments relativement drôles où il a 14 ans mais il veut consommer de l'alcool comme un adulte de 48 ans. Et moi, je le conseille fortement pour ses dessins. Et Taniguchi, je le conseille fortement aux gens qui sont assez frileux sur les mangas, parce qu'on a des histoires plus simples, plus terre à terre. Il avait fait aussi L'homme qui marche, qui était une histoire de d'homme qui se balade. Il y a aussi La montagne des dieux, si je dis pas de bêtises. Enfin, vraiment, à chaque fois, des choses... les personnages se ressemblent tous, j'ai envie de dire, dans ces... Les héros sont pratiquement tout le temps les mêmes, mais il a un univers, il a une narration, il a des dessins. Il y a des paysages très... Le Japon, comme on peut l'imaginer, dans les petites villes, très urbaines, enfin... Moi, je le conseille fortement quand quelqu'un n'est pas fan d'un manga. Bah, je lui prête celui-là en disant, tiens, voilà, regarde Quartier Lointain, tu me dis. Et je sais que mon fils, ça fait partie des premiers mangas que je lui ai fait lire, c'était celui-là, parce que je trouvais que ça valait le coup d'être lu. C'est 2 tomes, et c'est très très bien, l'histoire se clôture, et voilà, ça. Et c'est très bien. Après, il y en a du tout. Sous un ciel radieux qui est pas mal aussi, mais Quartier Lointain reste mon préféré. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce manga Quartier Lointain ou sur Taniguchi, qui était très prolifique tout de même? Je connais pas du tout, mais je sais que c'est un auteur très très classique, au même titre que Tezuka, mais je crois que j'ai jamais lu de Taniguchi. Il faudrait vraiment que je m'y mette un jour pour rattraper mon retard, parce que je pense que c'est quand même une grande partie de la culture manga, de lire au moins quelques-uns de ces mangas. Ah oui, pareil, moi je connaissais pas du tout non plus, c'est assez éloigné de ce que je lis habituellement, mais j'ai bien envie de me laisser tenter là, j'avoue, après avoir vu quelques images, ça peut être sympa. Je crois que c'est un auteur qui a paradoxalement plus de succès en France qu'au Japon, mais ce qui peut se comprendre avec son style. Après, moi, je te rejoins, Barjac, c'est un auteur que j'aime beaucoup, même si, alors j'ai beaucoup aimé Quartier Lointain. Moi, mon titre préféré de Taniguchi, c'est Journal de mon père, qui reprend d'ailleurs un peu les mêmes thèmes que Quartier Lointain. Je sais pas si tu l'as lu. Celui-là, pas du tout, je n'ai pas lu celui-là. Bah en fait, moi, enfin, j'ai l'impression que c'est son œuvre la plus personnelle, même si c'est vraiment assez proche de Quartier Lointain. En fait, l'histoire, c'est un homme qui est parti de sa famille et qui a jamais eu l'occasion de retourner les voir. Enfin, qui a jamais eu l'occasion. Qui a évité les occasions de retourner voir sa famille. Ses parents sont divorcés et en fait, il retourne dans sa famille pour l'inhumation de son père, en fait. Et en fait, à l'inhumation de son père, en fait, il va confronter les souvenirs qu'il avait enfant et ce qui faisait qu'il avait de la rancœur vis-à-vis de son père avec la façon dont les choses se sont passées, parce qu'en discutant avec d'autres personnes qui connaissaient son père, puis avec ses yeux d'adulte, il le voit sous un prisme différent, en fait. Et je trouve vraiment, enfin, moi, cette œuvre, je la trouve encore au-dessus de Quartier Lointain, même si c'est en. Si c'est ça y ressemble assez, en fait. Je crois que Journal de mon père est plus ancien que Quartier Lointain, mais je peux me tromper. En tout cas, je crois que c'est l'œuvre la plus personnelle de Taniguchi. Je crois que c'est assez proche de lui, en fait. Et c'est vraiment un titre très chouette. C'est en un tome, hein, comme souvent chez lui. Et je recommande chaudement. Et effectivement, ça fait partie des titres qu'on peut facilement confier à des gens qui n'aiment pas. Qui disent ne pas aimer les mangas. Bah écoute, je vais me renseigner sur le journal de mon père. C'est vrai que c'est toujours intéressant de découvrir d'autres œuvres d'un mangaka qu'on aime bien. Pour la petite information, Quartier Lointain avait une récompense à Angoulême quand il a été. Pas quand il a été publié, parce qu'il date de 98, si je dis pas de bêtises. Mais il a été publié tardivement en France, mais il avait une récompense dans les années 2000. Et il faut savoir qu'il y a une adaptation film en France de Quartier Lointain qui existe, voilà. Il n'est pas mauvais, il n'est pas fantastique, mais il y a un réalisateur français qui a voulu faire un film, donc ça se passe en France, dans les années 60, et c'est la même trame, c'est la même histoire, cet homme adulte qui se retrouve dans son corps d'adolescent, et le film est un peu passé inaperçu, mais voilà, comme pour Philippe Lachaud, il avait osé le faire, voilà, il avait osé le faire, et voilà ce que je veux dire sur Taniguchi. J'ai regardé s'il n'y avait pas autre chose à aussi à le dire. Non, Quartier Lointain, c'est la partie mes préférées. Et puis je me renseignais sur le journal de mon père. Il doit avoir un problème avec. Il a dû avoir, pardon, parce qu'il malheureusement nous a quittés. C'est vrai que le thème de la relation le père et l'adolescent est très très présente dans ses mangas. On voit dans beaucoup, dans tout, pratiquement toute son œuvre, il y a toujours eu une relation entre un père qui est distant et un adolescent qui essaie de comprendre. On a fait un petit tour de qu'est-ce qu'on pourrait conseiller. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter une petite pierre en plus? Quel est le petit manga, le petit truc en plus que vous voudriez parler, que vous voudriez aborder, qui ne soit pas forcément votre manga préféré, qui ne soit pas forcément à conseiller, mais quelque chose que vous aviez apprécié, quelque chose que vous avez envie de faire découvrir aux autres ici ce soir. Mopral, est-ce que tu as quelque chose à nous présenter par exemple? Ouais, alors j'en ai deux que j'avais notés, que je vais parler rapidement, que je conseille peut-être pas forcément maintenant parce que tout simplement ils sont encore en cours. Voilà, donc si vous voulez avoir une histoire complète, c'est peut-être pas le bon moment. Le premier c'est Hajime no Ippo, donc c'est l'histoire de Ippo Makinuchi qui est un lycéen qui se fait un petit peu embêter en fait, et il travaille avec sa mère sur une sorte de chalutier, et du coup que ça l'a énormément musclé, et un jour il se fait un peu agresser par ses copains lycéens. Et il y a un boxeur qui va l'aider, et du coup, il va découvrir tout l'univers de la boxe. et du coup faire des combats et essayer de devenir champion régional, champion national, etc. Et c'est un manga que j'aime beaucoup parce que ça reste un shonen, hein, donc voilà, il s'améliore à chaque fois, mais il a beau s'améliorer, il se prend quand même toujours plein de coups, quoi. C'est pas, il s'améliore en écrasant toujours ses adversaires, mais à chaque fois c'est vraiment des combats extrêmement compliqués. Et il y a même des fois où il perd, hein, vraiment salement. Et c'est toujours une grande surprise à chaque fois de chaque combat. Et là où j'en suis, il se passe un truc, donc je peux pas le spoiler, mais qui va vraiment changer le point de vue du manga de manière totalement différente. Et je trouve que c'est très appréciable. Et je sais pas du tout où ça va. Actuellement, il y a 129 tomes qui sont sortis, donc autant dire que voilà, ça fait déjà pas mal. Le manga existe depuis 1989, donc on espère tous que l'auteur, je crois que c'est George Morikawa, il va rien lui arriver d'ici à ce qu'il ait fini l'histoire. Hein, ça, c'est le risque. Mais sinon, celui-là, je le conseille énormément. Alors, effectivement, à acheter, ça va peut-être commencer à devenir cher, hein, 129 tomes, sachant que c'est pas fini. Mais si vous avez moyen de les emprunter ou autre, je pense que ça peut être une bonne occasion. Et le deuxième que je vais conseiller rapidement, c'est Vagabond. Donc, c'est de Takehiko Inoue. Il y a 37 tomes qui sont sortis jusqu'à maintenant et j'ai découvert qu'en fait, c'était pas fini. J'étais persuadé que c'était fini, mais a priori, non. Et globalement, ça va raconter l'histoire de Miyamoto Musashi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent au moins de nom. Hein. C'est un très grand. Alors c'était plus un ronin ou un samouraï de l'époque. Qui, alors on ne sait pas trop s'il a vraiment existé. Ça a été un petit peu. Son histoire, voilà, a été plus ou moins inventée. Il y a du vrai, mais en même temps, il y a des trucs qu'on a rajoutés au-dessus pour faire joli. Si vous connaissez pas son histoire, alors il y a des livres. Je crois que c'est La Pierre et le Sabre et La Parfaite Lumière, il me semble. Qui sont sortis, donc c'est plus des romans, mais là en manga, c'est une très belle adaptation, vraiment très jolie, que moi j'aime beaucoup, et du coup que je vais devoir relire parce qu'a priori, vu que c'est pas fini, j'ai dû louper des trucs. Mais voilà, si vous vous intéressez un peu à cette époque, les samouraïs vers 1600 au Japon, et surtout Miyamoto Musashi, je trouve que c'est un très très bon manga et très joli à voir. Mais il faut savoir aussi que aussi bien Jimeno Hippo que Vagabond sont visuellement magnifiques. La boxe est représentée de façon très dynamique dans Hajime no Ippo. Il y a eu quelques adaptations animées, assez bien réussies. Par contre, c'est vrai que 125 tomes, faut s'accrocher hein, pour rattraper son retard. Ouais, faut une bonne bibliothèque, hein, déjà. C'est ça. Et il me semble que Vagabond, c'est une sortie qui est complètement aléatoire. Il va sortir un tome tous les 3 ans ou un tome quand ça lui chante, un peu comme Berserk ou comme Hunter x Hunter. Mais pour d'autres raisons, c'est qu'il prend son temps pour sortir un tome, si je dis pas de bêtises. Alors là, je peux que te croire, je t'avoue que j'ai pas plus creusé que ça, vu que j'ai découvert que c'était pas terminé. Donc c'est pas du tout impossible, et pour le coup, je peux pas lui en vouloir parce que c'est vraiment pour moi de la grande qualité. J'ai vu il y a quelques années un petit documentaire qui parlait de l'auteur, et notamment du soin qu'il mettait au kanji, et au cri qu'il pouvait prendre toutes les pages. Ou onomatopée qu'on peut voir de temps en temps, mais lui, c'était pratiquement un art supplémentaire à ce manga pour que chaque kanji soit représenté de façon magnifiée dans Vagabond. Mais j'ai lu aucun des deux. Hajime no Ippo, j'ai suivi un peu, mais pas lu trop de tomes, beaucoup trop de tomes pour moi. Quand c'est trop long comme ça, je désespère et je m'y attache pas malheureusement. Ah, peut-être que c'est sûrement une mauvaise idée parce que je dois passer à côté de choses très intéressantes, mais c'est vrai que ça fait beaucoup trop pour moi. Mais c'est vrai que c'est visuellement, j'avais été sur le cul pour Hajime no Ippo. Concernant d'autres petites pépites, Natacha, qu'est-ce que tu pourrais nous ajouter en plus? Alors, rapidement, moi, il y en a deux. Il y en a deux que j'aime beaucoup. Je suis assez fan. Il y en a un. Alors, c'est vieux et voilà, mais c'est Kenshin le Vagabond. Donc on reste dans la veine du Vagabond et on reste dans la veine du manga un peu historique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est un vagabond qui se balade avec un sabre à lame inversé, qui ne veut pas tuer et qui se révèle être en fait le plus grand assassin de toute l'ère Meiji. Et en fait, tout part de là. C'est une histoire de rédemption et de vengeance parce qu'en fait, il a décidé de ne plus tuer après la Restauration. Il a tué pour amener à la Restauration, pour amener à une ère de paix. Et maintenant, il ne veut plus tuer, quel que soit le prétexte, sauf que il y a tous les anciens antagonistes qui vont lui courir après pour essayer de le tuer, pour se venger, et lui ne veut plus tuer. Donc, voilà, c'est une très belle histoire, il y a une romance, il y a une histoire de voilà. Et j'ai beaucoup appris sur l'histoire médiévale du Japon justement, avec Kenshin le Vagabond, qui est un très très très bon manga là-dessus. C'est vrai que c'est ultra documenté. Moi, j'ai connu l'Edo, la période Edo grâce à Kenshin le Vagabond. C'est quelque chose d'assez relativement documenté dans ce qu'il raconte. Je fais une petite aparté avant que tu expliques ta deuxième truc, c'est que Kenshin, il y a eu une adaptation animée que je trouvais relativement horrible, et par contre, il y a eu des OAV que je trouve supérieures au manga de base. Je sais pas si vous avez vu cette OAV-là. Pas supérieures, mais elles sont effectivement très très bien, mais elles sont beaucoup plus. Elles sont basées vraiment sur la période assassin de Kenshin. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est son histoire de rédemption, c'est ce qui se passe après. Mais les OAV sont clairement. C'est clairement la période Batozai, en fait, Batozai l'assassin. Ils ont sorti aussi des OAV qui se passent après le manga, qui racontent la continuité du manga, notamment avec son fils, avec lui qui part en Chine, etc. Je sais pas si tu les connais ceux-là. Ah non, ceux-là, je les ai pas vus par Il y contre. a le chapitre de la rédemption et enfin voilà, c'est visuellement autant le manga, il y a un petit côté humoristique dans la version papier, dans la version animée, il y a un côté trop humoristique avec des personnages qui ont été rajoutés qui servent à rien, ils ont rajouté pour rajouter humoristique, alors que dans les OAV, on n'est que sur le côté dramatique et la réalisation elle est top. Je conseille fortement aussi. Je sais pas si c'est sur Netflix. Il me semble qu'ils étaient à une époque sur Netflix, ceux-là. Alors la série animée qui reprend l'histoire du manga est sur Netflix, ça c'est sûr et certain puisque je les regarde en ce moment. Par contre, les OAV, non. Moi je les ai en DVD, mais elles sont pas sur Netflix. D'accord. Et donc je t'ai interrompu. Excuse-moi. Quel était l'autre manga que tu voulais nous parler? Alors moi je suis très shonen, hein, donc forcément il y en a un qui date aussi, qui date pas d'hier non plus, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yu Yu Hakusho. C'est aussi l'un des premiers que j'ai découvert, c'est l'un des premiers que j'ai dessiné, en l'occurrence. Et alors là, bon bah là c'est vraiment c'est le Dragon Ball, mais dans le monde des esprits en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et c'est une très très bonne, c'est un très très bon shonen, pareil où on part avec des personnages qui sont très à la base caricaturaux, mais au final on s'y attache énormément et voilà. Tu peux un peu nous raconter un petit peu la trame de départ? Alors, je crois que c'est Yusuke Urameshi qui a un accident, en fait. C'est le voyou de base, en fait, Yusuke Urameshi. Et un jour, il a un accident, il sauve un enfant. Et comme il a sauvé un enfant, on lui offre la possibilité de pouvoir se réincarner, de pouvoir récupérer son corps. Mais pour ça, il a un temps, entre guillemets, limité. Et il va falloir qu'il fasse tout un tas de bonnes actions. Je crois que c'est un truc comme ça. Et il lui est affilié une sorcière, Botan, je pense que c'est une sorcière qui va l'aider et qui va le guider. Et en fait, il va réussir à récupérer son corps. Et une fois ça fait, il va se retrouver avec tout un tas de jeunes qui ont des pouvoirs plus ou moins. Voilà, parce qu'il y en a un, c'est un esprit renard, c'est la réincarnation d'un esprit renard. Il y en a un, il vient carrément du monde des morts. Enfin. Et en fait, toute cette petite équipe-là va grossir, va grandir et va se mettre à se battre contre les méchants. Et voilà, c'est un peu le pitch de base. Un shonen, tout ce qui est plus classique alors. On peut dire ça, ouais. Mais après, la façon dont c'est tourné, le background des personnages est quand même super intéressant. Moi, je sais qu'en tout cas, ça m'avait beaucoup accroché et j'ai pas pu le lâcher. Bon, je connais de nom, mais je me suis jamais mis à Yu Hakusho. Vous connaissiez, vous, Nanonato ou pas? Pareil, juste de nom, mais j'en entends énormément parler depuis très longtemps. Apparemment, c'est un grand classique, donc pareil, il est en haut de ma red list, mais vu que je rajoute tout le temps des nouveaux trucs, bah, finalement, je prends jamais le temps de le lire. Moi je connais, j'avais commencé, après les shonen c'est pas forcément trop ma tasse de thé, enfin j'aime bien de temps en temps, mais en fait c'était plutôt, enfin Yu Hakusho fait partie de ces titres qui sont sortis à une époque où je lisais beaucoup moins de mangas, donc du coup j'ai jamais rattrapé mon retard sur ce genre de titres. Et puis pour le coup, toi qui aimes les séries courtes, là c'est un peu foutu. Oui voilà, c'est ça, c'est aussi le problème, c'est qu'après tu dois choisir tes combats quoi, tu vois. Et toi, Yannounette, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller en plus dans toute la liste des mangas que tu nous as déjà présentés? Alors moi, je vais partir sur deux petits jeunes auteurs qui débutent. Il y en a un qui s'appelle Osamu Tezuka, je ne sais pas si vous connaissez, il a fait deux, trois titres. Ah oui, il est sorti il y a à peine 1 ou 2 ans, là, je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'est un petit jeune, il est à fond, là. Il changera rien l'histoire, lui, je suis pas sûr. Il avait fait un truc sur le ciel, l'astro, un truc comme ça, hein, c'est ça, C'est sur... ça, Ouais. avec un robot, voilà. Ouais, ça me dit vaguement. Pipi le roi lion, non plus, c'est pas ça? C'est ça. C'est Disney a beaucoup aimé d'ailleurs. Oui, ils ont beaucoup beaucoup aimé. Ouais. Walt Disney approuve ce message. Bref, Osamu Tezuka, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que certains ne connaissent pas Osamu Tezuka, c'est probablement l'un des plus grands mangaka, si ce n'est le plus grand mangaka, en tout cas l'un des pères fondateurs du manga moderne en fait. À la base, il était médecin, ça a été un auteur qui a été hyper prolifique, qui a fait plein de titres comme Phoenix, comme Astro le petit robot, le roi Léo. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer. Enfin, je suis impressionnée par tout ce qu'il a écrit. Et moi, du coup, je vais parler d'un titre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle L'Arbre au soleil. C'est pas forcément son plus connu. C'est un titre qui tient en 8 tomes, qui est édité chez Tonkam. J'espère qu'il est encore trouvable. Pareil, il a été écrit assez récemment, puisque c'est un titre qui a été fait entre 80 et 86. Mais en fait, on s'en fiche parce que c'est un titre qui se déroule sous l'ère Meiji et qui raconte l'histoire de deux hommes, Ibuya, qui est un samouraï, et un médecin qui s'appelle Tezuka, et en fait, qui vont vivre l'arrivée de l'ère Meiji au Japon. Donc l'ère Meiji, c'est le moment où le Japon, qui était totalement replié sur lui-même, s'est ouvert à l'extérieur avec les conséquences que ça a eues sur... sur la société, sur comment en fait ces deux petits personnages sont pris au sein d'une plus grande histoire. C'est vraiment un titre très chouette qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Ça fait un moment que je l'ai pas relu parce que c'est un titre que j'ai relu pour le coup. Et vraiment, si vous voulez, je pense que si vous voulez découvrir Tezuka, c'est pas forcément son titre le plus connu, mais c'est un titre qui est assez accessible et que je recommande chaudement. C'est romancé et réaliste. C'est vraiment et c'est court. Donc bref, tout ce que j'aime en fait. Osamu Tezuka, c'est vraiment une valeur sûre. On peut trouver tout ce qu'on a envie de trouver. Effectivement, comme tu disais, c'est le père fondateur. C'est même le papa du manga et même le prix Tezuka qui existe maintenant pour les jeunes débutants qui sont de grands mangakas en devenir. Tu penses que le manga ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce monsieur-là? Et on peut lui dire grandement merci. Et effectivement, je disais tout à l'heure la blague du roi lion, mais voilà, il n'y a pas eu que ça, encore heureux. Et c'est incroyable à quel point il a été prolifique. Hein. Il y a eu aussi Blackjack, il y a eu aussi Ayako, il y a eu énormément de choses. Metropolis aussi, il a travaillé dessus. Enfin, c'est dingue. Je pense que Natacha et Mopral, vous avez déjà au moins lu une œuvre de Tezuka, je pense. Oui, bah Astro pour le coup, moi, enfin clairement c'est Astro que j'ai lu en premier parce que c'est vrai que c'est par rapport à l'anecdote où j'ai découvert que c'est grâce à Astro que quasiment tous les personnes de manga ont les grands yeux façon Bambi. Voilà, je me suis dit bah faut au moins que je lise ce truc culte d'où ça vient quoi, pourquoi il est aussi célèbre. Et c'est vrai que c'est clairement un monument du manga ça aussi. Moi j'avoue, Tezuka, j'ai plus accroché sur Blackjack. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la base, Tezuka a fait des études de médecine. Et ça se ressort énormément dans son manga, qui est extrêmement bien documenté. Et en plus, cette histoire de chirurgien à gages qui sauve les gens, mais contre des sommes astronomiques quand ils sont riches et pour rien quand ils sont pauvres, j'ai toujours trouvé ça absolument génial. C'est vrai que c'est un super titre, Blackjack, mais... Alors, je peux me tromper, mais il me semblait qu'il était... Enfin, à un moment, il est sorti, puis après, l'édition s'est arrêtée en France. Alors, je sais pas si on a une édition complète en France de... Maintenant, oui. C'était pas le cas quand... Lors de la première édition, effectivement, ça faisait partie de ces malheureuses séries interrompues en cours de diffusion, comme Wigman, comme Fly, comme beaucoup d'autres titres. Mais Blackjack, on a fait malheureusement partie. Mais maintenant, il existe des éditions complètes avec Blackjack, l'intégrale de Blackjack... parfois même en reliure, où il y a plusieurs tomes en un tome. Bah, faudra que je le reprenne, alors. Et alors, en plus, ils ont sorti, il y a quelques années de ça, alors c'est pas Tezuka qui le fait, évidemment, mais ils ont sorti un manga sur la jeunesse de Blackjack, justement, où on en vient à savoir pourquoi il est devenu ce chirurgien qu'il est devenu. Oui, c'est vrai, il y a eu ça qui est sorti, je pensais que tu allais parler de Say Hello to Blackjack, qui était un clin d'œil, justement, au Blackjack de Tezuka. Je sais pas si vous connaissez ce manga. Je suis une petite aparté là-dessus. Ouais, je connais, ouais. Ah non, par contre, moi, je connais pas. Ça me dit rien non plus. C'est Hello to Blackjack, c'est quelque chose qui... Alors, j'en parle parce que c'est quelque chose qui a un peu révolutionné la médecine au Japon. C'est un manga, il y a 13 volumes, qui se termine un peu brutalement, je trouve, mais bon, c'était le choix de l'auteur, qui raconte les premières années d'un interne en médecine au Japon. Et qui explique toutes les dérives, tout ce qui ne va pas dans la médecine japonaise, tout ce qui ne va pas chez la formation des internes. Et ça a tellement fait de bruit dans le monde de la médecine que des lois ont changé grâce à ce manga. Notamment, par exemple, c'était des internes qui s'occupaient des urgences de nuit. Et donc, quand vous aviez un accident de voiture la nuit, eh ben, et vous aviez une probabilité énorme de tomber sur un interne qui ne s'est jamais occupé d'un malade, qui ne s'est jamais occupé d'une personne blessée, qui se retrouve accidenté de la route, je pense cet exemple-là. Mais ce qui fait volontairement l'auteur, c'est qu'il fait voyager son personnage dans tous les services médicaux pour expliquer à quel point parfois les personnes ne sont pas bien traitées correctement au Japon. Parfois, les médecins demandent des dots. Parfois, les grands spécialistes, en fait, ce sont c'est de l'usurpation, quoi. Les grands spécialistes, ils arrivent, ils font une incision, tout le monde les applaudit, ils repartent. Ça a été une très très grosse critique sur la médecine au Japon et ça a fait bouger pas mal de choses là-bas. Il y a 13 volumes, c'est sorti il y a quelques années, je vous le conseille. Par contre, des fois, c'est trash parce que quand il y a les accidentés de la route, bah, ils dessinent en détail l'accidenté de la route. Voilà. Ça, c'était la petite aparté parce qu'on parlait de Blackjack et je trouvais que ce manga c'est Hello to Blackjack, peut-être aussi nommé ce soir. Ah bah je vais aller me pencher là-dessus, tiens, je vais aller regarder ce que ça donne. Voilà, désolé de l'aparté. Non, pas de soucis, t'as raison, c'était un super... Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ça fait bouger les choses, quoi. C'est une œuvre qui a mis le doigt en disant, regardez ce qui se passe chez nous et on devrait en avoir honte, plutôt que d'être fier. Et justement, la fierté médicale était mal positionnée là-dessus. Notamment quand il y a des personnes qui sont âgées, qui payent déjà l'hôpital et à qui le médecin leur demande de leur verser une dot supplémentaire pour s'occuper du patient. Ce qui n'est pas normal, puisque le médecin est déjà payé par l'hôpital. Ouais, c'est des huriers, quoi. Exactement, et lisez-le, franchement, moi j'étais vraiment sur le cul, j'ai découvert des choses, je me suis renseigné un peu plus au-delà de l'œuvre pour comprendre un peu plus si c'était vrai ou pas, et c'est un manga qui a fait beaucoup de bruit à l'époque parce que ça a dénoncé, mais énormément, quoi. Il faudrait peut-être qu'on ait ça en France, ça serait peut-être pas mal. Peut-être, mais faut pas qu'on se plaigne, on a quand même un système de soins qui est pas mal en France. On a surtout tendance à se plaindre, mais je pense que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, même civilisés, comme notamment le Japon, on pensait que le Japon était quand même très point de technologie, respect des anciens et tout ça, et voilà. Moi, c'est un manga qui m'avait choqué de découvrir que ben, il y avait des choses qui se passaient là-bas qui n'étaient pas normales du tout. Ah non, par contre, au niveau de tout ce qui est respect des anciens, il y a bah, notamment dans Tokyo Babylon, dont parlait Lina Nounette, il y a toute une petite partie du manga qui raconte l'histoire d'un vieil homme, où là, on voit qu'en fait, les anciens sont pas si bien traités que ça, en fait. Ouais, il y avait aussi un autre manga, comment il s'appelait celui-là, par l'auteur de Gantz, qui parlait justement d'un homme qui était âgé avec ses enfants qui se moquent de lui. Bon, c'est pas grave, j'en parlerai une autre fois de ce manga-là, mais effectivement, on parlait aussi les personnes âgées ne sont pas forcément. On a toujours un peu l'illusion de se dire, au Japon, regardez comment ils respectent leurs anciens, ils vivent chez eux, etc., etc. Et en fait, bah, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours la vérité qui est derrière ça. Sinon, j'avais, pour revenir un petit peu sur le fil conducteur, il me restait encore un dernier titre, assez rapidement. C'est un titre, alors je ne sais pas si vous connaissez Mitsuru Adachi, c'est pareil, c'est un grand mangaka très connu. Si je vous dis Théo, la batte de la victoire, Une vie nouvelle, tout ça, celui avec des personnages qui ont des oreilles pas possibles, enfin bref, je ferme la parenthèse. En tout cas, moi, il y a un titre de lui que j'aime beaucoup qui s'appelle Nijiro Togarashi. Ça veut dire les épices couleur arc-en-ciel. C'est un titre qui est assez court, parce que d'habitude, il fait vraiment des séries très longues, qui se passe dans un Japon du futur féodal du Moyen-Âge. Voilà. Donc, c'est à la fois un Japon du Moyen-Âge dans lequel il y a des TGV, pour vous expliquer un petit peu. C'est un titre qui est burlesque. C'est l'histoire d'un jeune garçon, je crois qu'il s'appelle Shichimi, qui apprend à la mort de sa mère, en fait, qu'il a six demi-frères et sœurs qui sont donc ils ont tous le même père et qui est inconnu et pas la même mère. Et du coup, il décide d'aller les rencontrer. Donc il les découvre chacun. Donc il y a son petit frère le plus jeune qui a 3 ans. C'est une sorte de mini ninja. Et c'est assez difficile à décrire parce qu'en fait, ça part dans tous les sens. Mais c'est un titre, moi c'est pareil, c'est un titre, à chaque fois que je l'ai fait lire, ça a eu beaucoup de succès parce que c'est très drôle, c'est très enlevé. En fait, là, ils vont être confrontés en fait à des assassins dont on ne sait pas qui veut les tuer. Donc il y a tout un mystère à résoudre. Et apparemment, l'un d'entre eux n'a pas le même père que les autres. Donc c'est un autre mystère à résoudre. C'est un titre qui est encore trouvable, mais pareil, qui est assez vieux, je crois, qui est fin des années 80. Et que je recommande surtout si vous voulez découvrir Mitsuru Adachi, qui est quand même pareil, à nouveau, c'est connaître un petit peu les grands mangaka. Bah, je trouve que c'est une porte d'entrée qui est sympa, surtout si on n'est pas très branché manga de sport. Je connaissais Théo, la Bague de la Victoire, mais c'est vrai que moi, tout ce qui est manga de sport, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Mais je connaissais cet auteur uniquement pour ça. Il y a une suite, il n'y a pas longtemps, je crois, qui avait été adaptée. Pas enfin, beaucoup d'adaptations, parce que je suis très, voilà, je suis abonné à ADN et je suis pas mal de choses. Mais Théo, il me semble qu'il y avait une suite Touch, si pas de bêtises, récemment en adaptation. Mais Touch, c'est pas Théo la batte de la victoire, ça j'avoue. Si Touch, c'est le titre original. Il me semblait justement qu'il y avait une suite où on avait le frère, le petit frère, qui marchait sur les traces de son grand frère. Bah je sais pas. C'est le synopsis de Touch, ah, il me semble. Enfin, de Théo la batte de la victoire, c'est le frère qui remplace le premier qui est mort dans un accident en fait. D'accord, bah j'ai dû confondre les deux, alors il y a dû y avoir une nouvelle adaptation. D'accord, j'ai dû rater alors. Je regarderai et je rechercherai ça. Moi, quant à moi, je vais vous parler de deux petites choses en plus. Alors la première, on va revenir sur Osamu Tezuka. Donc comme on a souvent dit ce soir, Osamu Tezuka, bah, c'est vraiment le père fondateur du manga moderne. Nous, en Europe, on l'a connu au tout début grâce à Astro le petit robot et puis Le Roi Léo. Et quand j'ai voulu me renseigner un peu plus sur ce monsieur-là, j'ai découvert Ayako. Ayako, c'est une œuvre absolument sombre. Je ne savais pas que Osamu Tezuka avait écrit des œuvres aussi sombres que ça. C'est une œuvre que j'ai lue une fois, que je conserve dans la bibliothèque, mais je ne suis pas sûr de la relire une seconde fois un jour. On est dans du drame familial d'après-guerre. Un homme qui revient borgne, je crois qu'il a perdu un membre aussi, j'ai un doute, dans sa famille, et puis découvre une petite sœur qu'il ne connaissait pas, Ayako. Et il y a un grand, grand mystère qui entoure cette petite fille qui, dans cette famille très traditionnelle, qui est vraiment cette petite Ayako, qui sont vraiment ses parents. Et on a du drame familial, on a du secret familial et on a des scènes très cruelles envers cette petite fille qui grandit au fur et à mesure. Au début, c'est une toute petite fille, à la fin, elle est adulte. Si vous voulez découvrir un autre pendant d'Osamu Tezuka, une autre face de son œuvre, plutôt que légère, Ayako, faut s'accrocher par contre, c'est très sombre, mais c'est vraiment bien écrit, le dessin a un peu vieilli, mais la narration est toujours incroyable. Voilà. L'autre titre, un peu plus de légèreté, c'est Bakuman. Bakuman, c'est par Oba et Obata, donc les auteurs de Death Note et de Platinum End. Ça raconte le quotidien de deux collégiens qui se donnent pour mission d'écrire un manga ensemble et d'être publiés au Jump. Et l'un des deux auteurs, notamment le dessinateur, fait une promesse à une jeune fille dans sa classe. S'il devient mangaka, si leur manga est adapté en animé et si c'est elle qui fait la voix du personnage principal, eh ben ils auront le droit de se marier ensemble. Donc ça, c'est pour le petit côté romance. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans Bakuman, c'est qu'on traite de l'envers du décor du Shonen Jump. N'importe quel fan de manga sait à quel point le Shonen Jump est importante au Japon, puisque c'est là-bas que se passent les prépublications des mangas les plus connus, que ce soit One Piece, Dragon Ball, Bleach, en ce moment, c'est Dr. Stone, My Hero Academia. Mais Bakuman montre l'envers du décor. Bah, comment est-ce qu'on fait pour commencer? Comment est-ce qu'on se présente à un concours? Quel type de manga faut faire? C'est quoi un producteur qui va accompagner un peu les jeunes auteurs, les orienter, va lui dire bah, il faut faire ceci, il faut faire plutôt cela. C'est quoi le système de vote? Moi, je connaissais pas du tout le système de vote et pourquoi bah, un manga qui peut être très bon bah, peut être plombé par des votes d'auteurs, et notamment on voit un peu l'envers du décor de ce que Oba et Obata ont pu vivre avec leur propre manga Death Note, où ils ont rêvé en disant bah voilà, on a un manga, on a un début, mais on a une fin, et si vous voulez vraiment que le manga soit bon du début à la fin, il faut nous laisser faire la fin comme on a envie de le faire. On connaît tous les histoires que d'Akira Toriyama qui a souffert avec Dragon Ball parce que lui voulait s'arrêter à la fin de l'arc Dragon Ball, c'est-à-dire le mariage de Sangoku, et que c'est la Toei qui a forcé la main à sortir l'arc des Saiyans, l'arc de Cell, et enfin l'arc de Boo. Et Oba Obata ne voulait absolument pas ça. Donc Bakuman, c'est très très bien. On voit un tout petit peu, et c'est le truc que je peux critiquer, c'est qu'on voit qu'un tout petit peu l'univers des seiyuu, l'univers des doubleuses, qui deviennent parfois des pop idols. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur cet univers-là. Regardez le film Perfect Blue pour en savoir un peu plus, c'est très très bien aussi. Mais c'est la seule critique que je peux faire sur Bakuman, c'est qu'on voit pas le côté féminin, on voit pas le côté de ce que la fille, jeune fille va vivre de son côté à elle pour devenir une doubleuse. Je sais pas si vous connaissez. Bah moi j'adore hein. Oba et Obata, effectivement, j'ai planché dessus et c'est vrai, comme tu disais, ça met en lumière tout ce système de prépublication vraiment inconnu chez nous, parce que nous, les mangas, ils arrivent, c'est des mangas reliés avec 7 chapitres, alors qu'eux, ils doivent streamer chaque semaine, ils doivent faire en sorte que le public reste intéressé. C'est pour ça que la plupart d'ailleurs des mangas essaient de taper un peu large, ils essaient de faire un peu de romance, un peu de baston, un peu de coquin, etc. Et ils voient ce qui accroche, et selon les retours que font les gens avec les votes, eh ben ils vont adapter plus ou moins le jeu. Je crois que c'était le cas plus pour Kuroko no Basket, il me semble, quelque chose comme ça, où justement ils essaient de taper un petit peu partout, et ils voient où ça touche, et puis après ils se focalisent là-dessus, et puis ils vont vraiment avoir les retours, ce qui fait que ça devient vraiment soit des mangas évolutifs, soit au bout de 2 tomes, ils sont obligés de torcher l'histoire vers la fin, parce que va falloir que ça s'arrête, quoi. Et comme tu disais, c'est vraiment hyper passionnant si vous vous intéressez un peu à la manière dont les mangas sont créés et gérés. C'est hyper instructif. Et puis, vu que c'est Oba et Obata, moi, j'adore de base, quoi. J'avoue, Bakuman, avec Bruno, on est assez fan. Ce qu'on trouve vraiment très intéressant, c'est justement cet envers du décor qu'on nous montre, comment se passe l'édition au Japon. Ça, c'est super intéressant. Moi, j'avoue que la romance, je crache pas dessus, parce que voilà. Mais par contre, je suis pas d'accord avec toi, Barjac, le fait qu'on ne voit pas ce qui se passe du côté de la jeune fille, en fait, au final, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque le duo qu'on suit, c'est justement le dessinateur et le scénariste. Voilà. Ce qui se passe du côté des filles, elles sont là et les histoires s'entrecroisent, mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est vraiment le monde de l'édition, quoi. Il pourrait presque sortir un spin-off qui se concentrerait uniquement sur... Je sais plus comment s'appelle l'héroïne, mais justement, on voit, entre 2 chapitres, on la voit un petit peu évoluer aussi, et on voit que des fois c'est dur, qu'elle doit refuser, que son impresario lui demande de faire des choses qu'elle a pas envie de faire, qu'elle doit prendre des cours de chant parce que c'est bien de savoir chanter, et après effectivement, c'était pas le propos c'était le manga, mais du coup, ça a commencé à m'intéresser en disant « Ah, c'est bien, on va voir les deux côtés », et finalement, j'ai trouvé dommage qu'on voyait pas aussi cette partie-là, et comme tu dis, le but du manga, c'est Muto Ashirugi, c'est le duo d'auteurs et leur souffrance et la maladie et parfois ça parle même des suicides, ça parle même des dépressions des auteurs parce que la pression est très forte, quoi. Exact, c'est un monde qui est quand même assez dur et du coup rien que le départ quand le héros se met justement à faire du manga, il se heurte à un mur du côté de sa famille parce que son oncle justement est mort de, je crois qu'il est mort d'épuisement. Alors, ils disent mort d'épuisement, ils parlent ça aussi un peu d'un suicide, voilà. Voilà, mais il est mort d'épuisement justement parce que, pour eux, c'est ce qu'ils disent dans la plupart du manga, c'est qu'il est mort d'épuisement, justement parce que c'est un monde qui est très très dur et on bosse 24-24 et il n'y a pas de vacances, il n'y a pas tout ça, quoi. Nanonette, tu avais suivi toi un peu Bakuman ou pas? Non, enfin, je ne l'ai pas lu, je le connais de réputation, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le lire. Alors pareil, il y a aussi une adaptation. Il y a eu deux adaptations, un live avec des comédiens, alors je sais pas trop ce que ça donne. Et puis une version animée qu'on trouve aussi chez ADN. Alors je parle beaucoup d'ADN parce que j'y prends un abonnement, j'ai pas de part de marché chez eux, mais je trouve qu'ils ont un catalogue assez intéressant. Et Bakuman, on peut le trouver en VOST et VF aussi, pour ceux qui sont un peu plus frileux de la VOST. Moi je sais que je l'ai regardé avec ma fille, par exemple Bakuman, on l'a regardé ensemble, elle a adoré. Mon fils a lu le manga, il a bien aimé, mais ma fille, elle a regardé l'animé, elle a adoré aussi. Voilà, c'est à voir pour tous les tranches d'âge, c'est pas mal. Bon, merci à tous pour ce petit tour de cet énorme univers qu'est le manga. Comme je l'ai dit en tout début d'émission, on a surtout abordé des mangas papier. On s'est focalisé sur des choses un peu moins connues que Go Nagai, qu'Akira Toriyama, que Oda. On n'a pas parlé de One Piece, de Hunter x Hunter ou Dragon Ball, mais volontairement. C'était bien de découvrir aussi d'autres œuvres. Merci à vous tous. Avant de finir l'émission, est-ce que vous avez des petites recommandations à nous proposer? Mopral, par exemple, commence. Allez, je vais commencer, comme ça je laisse le meilleur pour la fin. Je vais parler d'un podcast cette fois. Pour une fois, je parle pas de jeux de société, donc ça change un peu. Le podcast s'appelle Mystère à Saint-Jacques. Alors, c'est fait par François Descraques. Ceux qui traînent sur Internet doivent connaître François Descraques parce qu'il a fait notamment Le Visiteur du Futur, qui est une web-série absolument génialissime, je peux que vous la conseiller aussi. Et le principe de Mystère à Saint-Jacques, c'est lui, il l'appelle un sobcast, c'est-à-dire une sorte de soap-opéra avec un podcast. Ce qui va se passer, c'est que lui, il va écrire des trames avec des personnages, donc il y a 2-3 personnages à chaque podcast en général, Et il va dire donc ce qui se passe dedans, mais tous les dialogues vont être improvisés. Donc il va dire par exemple, bon bah toi t'es un mafieux qui a le casino, toi t'es un nouveau flic qui vient d'entrer dans la police, vous êtes amis d'enfance, et puis bah voilà, toi vous découvrez après 10 ans d'absence, et puis bah toi t'essaies de faire des allusions sur ton monde de la mafia. Alors du coup, bah là c'est Florent Dorin, il va dire ouais, alors il y en a qui se tuent au travail, hein, vraiment, il y en a, c'est mortel comme boulot, etc. Et ils vont vraiment partir des fois dans des délires complètement fou, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il devait dire à la base, ils comprennent pas le scénario, il y a des bruitages qui sont rajoutés, mais c'est vraiment extra, on se fait vraiment le film dans notre tête, et c'est juste top. C'est vraiment une idée de génie, je sais pas si ça existait avant, mais en tout cas, ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment génial. Je sais plus combien il y a d'épisodes qui sont sortis jusqu'à maintenant, c'est pas entièrement terminé, mais bon, vu la situation en ce moment, ils voulaient terminer au moins la saison en le faire en public. Bon, bah voilà, on sait ce qui s'est passé, confinement, tout ça. Ils n'ont pas pu encore le faire, mais il y a déjà quelques épisodes qui sont sortis que vous pouvez regarder. Juste pour information, c'est parfois et même souvent assez explicite. Hein, ils n'hésitent pas à partir vraiment dans les trucs un peu plus que limite. Donc c'est pas à écouter avec des enfants, clairement pas. Mais si vous n'êtes pas trop réfractaire à ça, vraiment c'est top. Et je me suis tapé des barres de rire à l'écouter comme ça au boulot ou autre, parce que c'est vraiment génial comme concept. Et quand on sait qui y a derrière, on retrouve donc François Descrêques qui écrit, donc il écrit des scénarios vraiment complètement fous. On retrouve du coup Florent Dorin, il y a du David Mourier qui passe, du Monsieur Poulpe, etc. Enfin, plein de gens que vous avez dû avoir vu si vous connaissez un peu l'univers des web-séries. Et bah ça, je peux que vous le recommander. Un épisode, je crois que c'est en moyenne 30 minutes, 30-40 minutes, je crois même pas. Et du coup, bah voilà, vraiment, foncez dessus si vous n'êtes pas réfractaire, si vous voulez chercher des podcasts et vous amuser un peu, c'est vraiment top. Je connaissais, mais j'avais que j'avais pas écouté encore, mais c'est vrai que je suis assez fan de François Descrêques. J'avais adoré Les Visiteurs du Futur. Il avait parlé d'en faire un film l'année dernière, mais pour raison de Covid, ça a été décalé. Mais François Descrêques fait partie de ces auteurs français qui a travaillé beaucoup aussi avec sa production French Nerd, avait bossé avec Ankama à une époque, avec David Mourier aussi. Et franchement, c'est quelqu'un qu'il faut s'intéresser, parce qu'il avait aussi sorti aussi une histoire sur Twitter, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, Troisième Droite. C'est ça. Excellent. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'histoires à raconter. Et ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes, entre guillemets, auteurs comme ça. C'est quelqu'un qu'il faut vraiment s'intéresser à son boulot, quoi. François Descrêques, c'est vraiment quelqu'un de top. Et comme tu dis, ouais, sur Twitter, il y a un thread Troisième Droite. Si vous le cherchez, vous pouvez le trouver assez facilement. Le compte, c'est Troisième Droite. C'est juste des petits tweets à lire comme ça à la suite qui vont te raconter une histoire. Mais vraiment, c'est extra. Pareil, je sais pas comment il a réussi à se débrouiller, mais uniquement avec des tweets, il arrive à te faire toute une histoire. Ça a été sorti après en roman que j'ai pas encore lu, parce que j'ai pas vu comment il allait transposer ça, mais si vous avez un peu de temps à perdre sur Twitter, ça se lit en une heure et c'est vraiment extra. Je confirme. Natacha, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander en plus ? Alors moi, j'ai plus une recommandation roman, parce que je suis une très très grande fan de Maxime Chattam, et je me suis aperçue il y a quelques temps que j'avais pas complété ma collection. Et je suis tombée sur, alors c'est l'une de ses dernières œuvres, mais elle commence à dater un petit peu, qui s'appelle Le Signal. Elle vient de sortir en édition poche. Et alors là, c'est un roman de dingue, avec des histoires de fantômes qui n'en sont pas. Enfin, comme toujours avec Maxime Chattam, en fait, il arrive à nous faire croire, c'est du thriller, il arrive à nous faire croire qu'il y a du surnaturel. Et en fait, à la fin, tout est totalement logique. Et j'ai toujours trouvé cet écrivain assez génial. Et là, Le Signal, en fait, c'est... il y a des morts inexpliquées dans une ville, il y a une famille qui s'y installe, elle se rend compte que sa maison est hantée. Mais hantée par quoi ? Toute la ville a l'air hantée par plusieurs entités. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre elles ou pas ? On sait pas trop, on sait pas par où ça va. Et les adultes se rendent compte de leur côté qu'il y a un truc qui va pas, les enfants se rendent compte de leur côté qu'il y a un truc qui va pas, et quand tout le monde se met à se parler et à se dire « Ouais, ok, donc là, il y a vraiment un truc qui déconne », c'est là que tout explose, il y a plein d'entités fantomatiques, maléfiques qui viennent, et ça part en sucette, mais c'est assez génial à lire. Franchement, c'est excellent. Maxime Chattam était connu aussi pour sa saga de livres L'Autre Monde. Alors justement, bizarrement, c'est sa saga qui est, entre guillemets, la plus fantastique, et moi, c'est celle que j'aime pas. Bizarrement, Maxime Chattam, je n'aime que les thrillers. D'accord, merci pour cette recommandation, ça change un petit peu. Et Lina Nounette, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller aussi ? Alors moi, si vous me suivez sur Twitter, en fait, vous avez remarqué que ces derniers temps, je joue un jeu que j'ai adoré, en fait. Donc ce sera une recommandation jeu vidéo, c'est Ghost of Tsushima. Franchement, ce jeu, je l'ai commencé sur le tard, enfin vraiment à la fin de l'année, et j'ai adoré. Mais j'ai vraiment adoré. C'est-à-dire qu'il arrive assez haut dans mes jeux PlayStation. Je pense que je le mets un petit peu en dessous d'Uncharted 2, mais pas beaucoup plus bas. Alors je vais attendre de digérer un petit peu le titre pour voir un peu ce qui m'en reste après. En fait, ce qui m'a beaucoup frappé, au-delà de la beauté du titre qui est vraiment magnifique, la direction artistique qui est très très chouette, c'est les qualités d'écriture et les qualités d'écriture de tous les personnages qui sont complexes, qui sont nuancés, et c'est pas si souvent que c'est le cas. Donc oui, Ghost of Tsushima, pour expliquer un petit peu, c'est l'histoire d'un samouraï qui s'appelle Jin Sakai sur l'île de Tsushima qui est envahie par les Mongols. Les samouraïs se font défaire par l'armée mongole. Il reste plus, enfin, il leur reste plus qu'une poignée, dont lui, et il décide en fait de reconquérir son île. Et il y a toute une réflexion sur l'honneur, sur le code du Budo, etc. Enfin, c'est vraiment un titre que je recommande très chaudement. Et puis visuellement, c'est assez bluffant de se dire que c'est sorti sur PS4. Ouais, c'est très très beau. Alors, je dois reconnaître, moi j'y ai joué dans des conditions idéales parce que j'y ai joué sur PS5, donc sans temps de chargement. Et de façon assez déjà agréable et aussi en silence, parce que la PS4, on a un peu peur qu'elle décolle au bout d'un moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui tourne aussi très très bien sur PS4, et en tout cas beaucoup mieux que Cyberpunk. Et franchement, c'est vraiment un jeu que je recommande dès que vous avez l'occasion, foncez. Moi perso, j'ai la boîte sur mon étagère, je finis les jeux que je suis en train de faire, je suis en train de faire Hyrule Warriors, et je devrais attaquer peu de temps après ce jeu-là. C'est partie des jeux que je fais sur le tas, mais parce que j'attendais des bonnes occasions, et là parce qu'on me l'a prêté, donc j'ai The Last of Us Part 2 que j'ai enfin sur mon étagère, et j'ai Ghost of Tsushima, je sais pas lequel des deux je vais faire en premier pour faire ça. Ah, puis aussi c'est Kilo, ça fait trop de jeux là. J'avoue, Bruno est un très grand fan de Ghost of Tsushima. J'ai vu à peu près tout le jeu. J'y ai pas joué, mais je l'ai vu à peu près y jouer. Je trouve pas qu'il cherche tant que ça sur PS4. Franchement, il est assez. En tout cas, il est très très beau. Ça, c'est sûr et certain. Et l'histoire est assez prenante. Ok, bah moi j'ai regardé ça quand j'aurai le temps d'eux. Moi, ma petite recommandation, ça va encore être une chaîne YouTube. Je suis tombé dessus complètement par hasard, je ne sais même plus comment je suis tombé dessus. C'est une chaîne qui s'appelle The Beauty of, et on met derrière bah, The Beauty of Sherlock, The Beauty of Handmaid's Tale, The Beauty of Sergio Leone. Et c'est une chaîne YouTube qui fait des petites vidéos entre 3 et 4 minutes qui parlent d'un film ou d'une série animée et qui va présenter les meilleurs plans de ce film ou de cette série et avec un petit montage très simple, très joli, une musique qui est soit liée au film en question ou soit c'est une musique qui a rien à voir du tout. Mais c'est tout con, mais je trouve que c'est des petites vidéos qui font du bien à voir, c'est plaisant, c'est calme, c'est quand, par exemple, il y avait Blade Runner, et ben on regarde The Beauty of Blade Runner et on voit les meilleurs plans de Blade Runner. Et il y a aussi Évangélion, il y a eu ça, il y a eu du 300, Munich, Hiroshima mon amour, Mindhunter, ou La vie secrète de Walter Mitty, qui est vraiment un film sous-coté, qui est vraiment très très bien aussi, ou Cinéma Paradiso pour un film plus ancien. Donc c'est vraiment sympa comme petite chaîne, The Beauty of. Et voilà, quand on a un truc qu'on aime bien, comme Sherlock, là, qui est sorti il y a 4 jours, ben Sherlock Holmes de la série BBC, on regarde ça dure 4 minutes, 4 minutes qui nous rappellent à quel point cette série est dingue, est folle, est à voir, et voilà, je vous recommande ça chaudement. J'aurais une question du coup. Je me souviens que tu avais conseillé la chaîne YouTube Chronique Fiction, du coup, qui parlait des différentes morts emblématiques. Moi, j'ai pas pu la regarder parce qu'elle spoile pas mal. Et du coup, j'ai pas forcément envie de me spoiler, surtout qu'il y a plein de films ou de séries cultes que j'ai pas vues. Est-ce que là, ta chaîne, elle spoile d'une façon ou d'une autre ou pas du tout? Si tu connais le film, oui, ça spoil. C'est-à-dire que quand tu regardes The Beauty of Walter Mitty, bah, tu as toutes les scènes du film, les plus beaux plans, donc des fois, tu as des spoils, mais pas dans les titres. Par exemple, The Beauty of Sherlock, tu as juste The Beauty of Sherlock. Y a pas, c'est pas comme dans... effectivement, là, je trouvais que c'est un petit peu dommage. Ils ont changé les titres de leurs émissions et maintenant, c'est carrément pourquoi ce personnage-là meurt, pourquoi la mort de tel personnage. Et je trouve que ça spoile malheureusement trop de choses, parce qu'on n'est pas censé savoir dans une série que tel personnage ou tel comédien dans tel film va mourir. Donc je trouvais ça un peu dommage qu'ils aient pris ce parti de spoiler dans leur titre. Je trouve ça dommage, parce que vraiment l'émission, je continue à dire que là, ils ont sorti une émission en début d'année sur Breaking Bad. Et ben, pareil, super analyse de Breaking Bad sur le personnage de Walter White et à quel moment Walter White devient Heisenberg. Super analyse, mais c'est vrai que si on n'a pas vu la série, bah, on a quand même un gros spoil dans le titre. Donc, faudrait pas. Voilà. C'est dommage. Voilà un petit tour d'horizon de ce qu'on peut découvrir en ce moment, en plus de s'intéresser au manga. Je vous remercie tous pour cette soirée et j'espère avoir été un bon hôte sur cette émission. Merci beaucoup à Natacha de nous avoir accompagnés ce soir. Bah, merci à vous de m'avoir invité, j'ai été ravie de parler manga avec vous. Ce plaisir est partagé. Merci beaucoup Lina Nounette. Bah, merci à vous, c'était très sympa de pouvoir échanger sur nos différents titres. Du coup, je vous cache pas que mon étagère va pas aller en se réduisant, mais bon, c'est le jeu. La fameuse étagère qui prend trop de place. Et merci beaucoup au grand maître des clés Mopral pour sa présence. Eh ben merci surtout à toi, ça a été top au niveau présentation, donc c'était très agréable. Merci. Et on remercie bien sûr chaleureusement Bruno Roca qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous permet de nous laisser nous exprimer sur d'autres sujets que le monde vidéoludique. Ouais, enfin, on y pense vite fait, hein, parce qu'on n'a pas... Enfin, moi je fais quand même gaffe à ce que je fais parce qu'il est à côté de moi quand même, donc... Il est quand même pas loin. Oui, salut Bruno, ça va bien Bruno, hein, on t'aime bien. On t'aime bien Bruno. Ouais, on t'aime bien, hein. Tu nous laisses pas encore parler. Hein. Merci à vous tous, à très vite, à bientôt et bonne expérience. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter aussi pour qu'on puisse échanger et redonner notamment l'intégralité des titres qui ont été abordés ce soir. Merci à vous, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Salut.